Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui, oui, oh, là, là. Oh, mais bien sûr, en fait. Bonjour, bonsoir. Ça coule de source, bah, en fait, ça n'a, y a aucun doute à aucun moment. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes vraiment entouré de gens magnifiques. Notre première invitée est une humoriste qui joue au Métropole à Paris les jeudis, vendredis et samedis. Vous pouvez aussi l'entendre sur France Inter. Et je me suis dit d'ailleurs, oh bah je vais la présenter comme dans ses chroniques. Je vais faire genre je l'aime pas, ça va être malin et drôle. Adrien va m'applaudir, Free Now va nous sponsor encore 8 ans et mon père va enfin me dire je t'aime. Mais en réalité, c'est carrément dur. Et elle, non seulement elle le fait tous les jours, mais elle le fait en étant coupée par Nagui. Bel exploit, c'est Morgane Cadignan. Salut. Merci. Streamer professionnel capable de différencier l'architecture de Plombières-les-Dijon, Angoulême et Lons-le-Saunier, il a animé un podcast intitulé C'est sa bosse et commentera bientôt les classiques Tetris World Championship. Oh. Ce qui fait qu'à un déménagement, c'est lui qui range le coffre en disant c'est Tetris ou quoi? C'est Julien Pagnac. Bonjour. C'est toi, on peut le c'est dire. C'est moi. Franchement, faire son intro alors qu'il était invité il n'y a même pas 3 émissions, grosse flemme. Résumons en disant qu'il est vidéaste et auteur, que ce soit en livre, en BD, sur scène ou sur le web. Ajoutons tout de même qu'il a une expo qui s'appelle Terrianthrope à la Time Corp Gallery à Paris. Ajoutons aussi que c'est un excellent pisseur d'après le site planpisse.com. C'est Patrick Beau. Bonjour et merci beaucoup pour cette dernière précision. Est-ce qu'Adrien, tu peux expliquer ce qu'est tu, le... Tu veux pas l'expliquer toi, Patrick, ou c'est... Écoute, je veux bien que tu l'expliques. Je veux bien entendre ta version de cette histoire. Bah, alors ma version, c'est que tu m'as montré une capture d'écran du site planpisse.com, qui est un site de petites annonces de genre. On ne juge pas, hein, les, on ne juge les préférences, pas. Mais donc pour les gens urophiles. Et donc c'est des annonces que si tu es soit bah, pisseur, soit receveur bien d'urine. Sûr. Et il y avait juste une annonce qui, de quelqu'un qui se décrivait comme un excellent pisseur. Et il m'a envoyé cette capture d'écran, ça m'a fait beaucoup rire. Parce que déjà, je trouve que ça pourrait être extrait du Floodcast. C'est vrai, un excellent titre, pisseur. Ça pourrait être un titre. Ça pourrait être le titre peut-être de cet épisode. C'est des gens qui pissent à des endroits ou qui pissent sur d'autres personnes? Non, ils pissent sur d'autres personnes. A priori, oui, sur d'autres gens. Mais ouais, sur différents gens, dans différents oui, endroits, j'imagine. Oui, j'imagine. Sur d'autres gens, parce qu'ils précisent également excellent buveur. Ah. Oui, cherche excellent buveur. Cherche excellent buveur. Oui. Mais je tiens quand même à préciser. C'est que la version un peu trash de oui. Jeune demoiselle. Comment de tu t'es remonté? Alors oui. Mais voilà. Comment j'ai découvert cette pépite du web? Donc c'est Marie de la boîte à curiosité, la chaîne YouTube. Ah, ça poucave. De quoi c'est ça? Mais attendez, je vais ring. Et après, on va recevoir Marie qui a dit. Alors attendez, est-ce que moi, en fait. Pas du tout. Je vous explique. Comment elle a connu le truc? Parce que elle travaillait à elle une s'était époque. Elle s'était pissée dans la bouche. Alors les news. Non, elle travaillait chez Apple à une époque et donc forcément ah, elle oui. se retrouvait à fouiller dans les téléphones des gens et un jour elle tombe sur un onglet plan pisse. Ah. Et ça la marquait à tout jamais. Voilà. À ne pas confondre avec planpisse.org qui est beaucoup plus voilà ah, qui est dans le public. À ne oui. pas confondre avec Planker la série. La série qui n'a rien à voir. Un autre ton du coup. J'ai encore une présentation à faire. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalent, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, il allait boire à ses 20 ans. Stromae. Jojo se prenait pour Voltaire, Pierre pour Casanova. Et lui qui était le plus fier se prenait pour Adrien Méniel. Et c'est bien normal, c'est Adrien Méniel. Merci. C'est lui le bourgeois à la fin. Il devient le bourgeois, le mec. Ouais, ouais, c'est... Et je tiens à louer la performance que c'est à chaque fois de présenter les gens comme ça avec un texte vraiment écrit et travaillé. Bien sûr. Donc, chapeau. Écoute, non, mais il bosse, hein, il est bon. On dirait pas comme ça, mais. C'est un génie. Il a raison, Baptiste le Caplin. pour dire le titre de ton film, là, il a pas eu trop. Ouais, donc on le dit maintenant dans ce podcast aussi. Voilà. Très bien. C'est Salut les Bourguignons. Du coup, je cherche un jeu de mots avec Bourguignon et j'ai rien. Il moutarde de le voir, c'est la tagline. Évidemment, un ciel bleu. Il m'a fait mal au dos. On commence comme d'habitude avec les news du Floodcast. Les news du Floodcast. Les news du Floodcast, la semaine dernière, on avait parlé de Mr. Gox. Alors, je ne sais pas si vous savez de qui il s'agit. Mr. Gox est quelqu'un qui a ridiculisé la bourse en étant un fin investisseur en crypto-monnaie. Ajoutons à cela que c'était un hamster. C'est un hamster qui a ridiculisé la bourse parce qu'il faisait lui-même des placements de crypto en choisissant des trucs au pif. De nouveaux investisseurs farfelus ont fait fortune récemment grâce à la crypto-monnaie. À votre avis, de quoi parle-t-on ? Déjà, est-ce qu'ils ont plagié Mr. Gox? Bah, quelque part, c'est un plagiat de Mr. Gox. Est-ce des que lapins. Ce ne sont pas des lapins. Mais c'est d'autres animaux. Alors, ce ne sont pas des animaux. Des bébés. Qui est presque. Des très vieux des gens morts. Sperme. Des gens morts. Des cadavres. Caca. Bah oui, fallait, voilà. Fallait y aller. Presque des bébés, des enfants. Oui. Des enfants. Il s'agit de deux enfants. Merci. Une belle définition d'un enfant. Presque bébé. Mais pas encore adulte. En fait, ils ont créé une entreprise d'extraction de crypto-monnaie, un frère et une sœur de 14 et 9 ans, résidant au Texas, qui Julien dit non, simplement non, qui sont parvenus à gagner plus de 30 000 dollars par mois, avec une précocité rare, dit-on. Aux États-Unis, Ishan Thakur et sa sœur Anya ont passé leur été à créer une entreprise lucrative d'extraction de crypto-monnaie. Comme l'explique CNBC, c'est après avoir regardé des vidéos sur YouTube et effectué des recherches sur Internet qu'Ishan a converti son ordinateur en une plateforme d'extraction de crypto-monnaie. Au mois d'avril. Là, du coup, c'est juste que c'est sans doute un putain de génie, le gosse, quoi. Bah, apparemment, c'est ça, ouais. C'est pas juste. Non, c'est pas du hasard. Hein, c'est là, pas c'est... pour ridiculiser le truc, quoi. Non, c'est du coup, on peut dire que ce n'est pas un plagiat de Mr. Gox. Non, oui, non, voilà. On peut pas vraiment comparer ce garçon à un hamster. Non, ce serait un peu réducteur, je pense. Beaucoup plus intelligent. Ce serait aller vite en besogne, effectivement. Ils ont remporté d'abord 3 dollars avec leurs revenus qui ont augmenté rapidement, leur permettant ainsi de renouveler et améliorer leur matériel informatique. Les enfants espèrent désormais que leurs bénéfices les aideront à payer leurs frais d'université. Parce qu'aux States, ça coûte. Bonbon. C'est déprimant. Triste, ouais, c'est déprimant de ouf. C'est super triste. Vraiment, à 9 ans, t'es là, ouais, je vais pouvoir me payer mes études. La crypto-monnaie, vous vous y intéressez ou pas du tout? J'aurais beaucoup de mal à expliquer comment ça fonctionne. Ah, mais tu t'y intéresses un petit peu quand même. Très moyennement. Très moyennement. Quand c'était la hype un peu. Il y a eu une hype un peu de la crypto. Bah, je pense qu'on est tous un petit peu curieux de savoir de quoi il s'agit, puisqu'on en entend parler toutes les semaines. Ouais. C'est comme des grosses pièces. Mais c'est pas ce que j'ai compris. De très grosses pièces. Comme dans Mario, finalement. Oui, c'est ça. Et voilà. Non, t'es un peu tâté. Toi, Julien, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouais, moi, ça m'a dépassé aussi un peu. Ouais, ça me dépasse. Et il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans, vraiment de vouloir. Ouais, d'investissement, de lien avec la bourse, tout ça, et spéculer sur rien en fait, parce qu'on se dit maintenant ça existe. Bon, après, c'est mon avis. Il y a des gens qui vont. Parce que les fans de crypto-monnaie en général sont un poil. Un poil comme... susceptible quand on leur dit ça m'a l'air pas si ouf. Non, c'est l'avenir. Ils sont revenus un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu quand même. Moi, tout ce que je sais, c'est que manifestement, c'est trop tard pour c'est en acheter. C'est une Tesla. Tout ce que je sais, c'est que Patrick Beau. Apparemment, c'était il y a 15 ans qu'il fallait en acheter pour être très riche aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tard. Mais moi, il y a 10 ans à peu près, j'avais installé un truc pour miner du bitcoin et tout sur mon ordi. Mineur. Je sais même pas. Bon, j'avais rien compris, hein, évidemment. Donc, je sais même pas si j'en ai miné ou pas. Mais ça se trouve, je suis millionnaire. Et le mec est riche. Excellent mineur. Mineur, mais je sais même pas où c'est, quoi. Nous on a reçu un message avec Adrien, quelqu'un qui a créé une crypto-monnaie Floodcast. Et pareil, on a rien compris de comment ça fonctionne. Je ne sais pas quoi en faire. Je le dis là parce que peut-être qu'en le disant, on va avoir des sous. Je sais pas. Ils l'ont même pas appelé Floodcoin. Si, peut-être. Je sais plus comment ça s'appelait. Je sais plus. Mais en tout cas, il y a une crypto, mais qui a rien à voir avec nous, apparemment. Donc voilà, si faites-vous de l'argent sur notre dos, franchement, il y a aucun problème. Elon Musk. On n'est pas si loin au final. Est-ce qu'elle est bossée cette émission? Non, c'est du hasard. a décidé de commercialiser un nouveau produit, un produit qu'il n'a lui-même jamais commercialisé auparavant. À votre avis, de quoi s'agit-il? Alors, c'est de la techno? Eh bien, ce n'est pas de la techno. Bah, voilà. Déjà, le mec a fait des lance-flammes, donc tout est possible. Tout est possible. C'est un truc de la vie quotidienne. C'est un truc qui peut être de la vie quotidienne. Qui n'a été jamais commercialisé par lui ou en général? Par personne, non, par lui. Ça a été commercialisé de fou. Ah ouais. Cercueil. Ont beaucoup d'argent. T'as dit quoi? Cercueil. Non. Une brosse à chiottes. Non. Et tu dirais que c'est aussi surprenant qu'un lance-flamme ou moins? Beaucoup moins. Mais c'est surprenant de pourquoi il fait ça. C'est alors, ça. Est-ce que c'est un non truc... mais on est plus déjà dans la ce bouffe, dans on est autour de tout ça. Est-ce que c'est un ça se trouve dans un supermarché? Un truc qui part d'une frustration personnelle d'Elon Musk. Genre il se dit oh là là, tu vois par exemple sa brosse à chiottes, il dit putain mais c'est il y en a aucune qui est bien et du coup il dit je vais faire la ça ressemble plus à quelqu'un qui a un peu d'argent et qui se dit qu'est-ce que je fais pas et ben je vais faire ça voilà. Du PQ? Alors c'est pas du PQ. C'est pas alimentaire? Pas vraiment, mais c'est une boisson. C'est une boisson. C'est une boisson. Énergisante? Ouais, bah oui. Non, pas une boisson énergisante. Du café? Relaxante. Ça dépend. De l'alcool? c'est de l'alcool, plus précisément du whisky. De la bière, ah là là. Exactement, la gigabière. Alors j'avoue avoir choisi cette question ne serait-ce que pour le titre. Futurama pour moi, c'est Futurama. Imitera les lignes du Cybertruck de sa marque. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'était le Cybertruck. Ah oui, le 4x4, ouais, où il avait jeté une pierre pour dire regardez, c'est incassable, et ça avait brisé immédiatement la vitre. Ça, si vous vous ça c'était tellement incroyable. Ça faisait vraiment plaisir. Ouais. En fait, il était en Allemagne pour inaugurer sa nouvelle méga usine. Le mot qui va pas avec le monde d'aujourd'hui. C'est incroyable. Mais le mec vient des années 90. On dirait un méchant de Pixar. Méga usine. Et il a dit nous allons construire une station de train avec un droit de propriété, et puis nous décorons les murs de l'usine avec des graffitis à l'extérieur partout, et à l'intérieur nous allons aussi faire notre propre bière. Voilà, une bière made in Tesla. Oui, c'est ça, je crois que il y a clairement de l'ennui. La bière, après la tequila, il avait déjà fait de la tequila apparemment. La bière sera probablement commercialisée sous la marque Cyber Squad. Mais non, mais attends, c'est Cyber Quad, pardon, Cyber Quad. Attends, c'est pas Giga Bière ? C'est la Giga Bière, mais c'est sous l'égide de Cyber Quad. Ok, d'accord. Rassure-toi, mélange pas tout, je t'en supplie. Il adore les préfixes. Ouais, tous ces termes de science-fiction des années 90, c'est incroyable. Je sais pas comment ça s'appelait. J'aime un peu bien, cela dit. J'aime un peu bien ce côté extrêmement ringard. T'appellerais comment ta bière, Adrien ? Oh, je sais pas. Tu me prends au dépourvu là. C'est pas. Ah, c'est un bon sniper, mais pas à ce point-là. Une seconde là. Ouais. Si c'est pas spontané, je perds tous mes moyens. Quand on te le demande, en fait. Un homme a été recherché toute la nuit dans la montagne par les secours. Ah, bah, vous l'avez tous vu. Parce que vous pouvez dire pourquoi les secours ne l'ont pas trouvé. Il a pas répondu au téléphone. Alors, parce que c'était un numéro masqué. C'était un numéro masqué. C'est-à-dire que pendant toute la nuit. Non, mais c'était pour dire, on l'a fait en binôme. En fait, vous êtes les amours pour moi, je vous le dis. Vous pouvez vous taper sur la tête avec un carton, n'hésitez pas. Là, on a répondu bien. C'est vrai. Il se perd en montagne car le numéro est inconnu, en effet. Les secours ont essayé de l'appeler, mais vu que c'était un numéro inconnu, il n'a pas décidé de répondre parce qu'il connaît pas. Et quand il connaît pas, il répond pas. Effectivement, j'avais vu cette info, mais je crois tout à l'heure, et je me suis dit. T'es con. Ouais, enfin, t'as gâché. Si je suis vraiment perdu en forêt et que ça sonne, c'est pas grave si c'est un scam téléphonique. Oui, tu lui dis, venez m'aider, quoi. Voilà. Oui, monsieur, c'est Bouygues Télécom. Alors, vous tombez bien. Est-ce que vous pouvez appeler la police, s'il vous plaît ? Non, mais c'est mon idole, quand même, le mec. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes comment ? Un niveau de pas vouloir être emmerdé, quoi. Le mec, il a la jambe broyée sous un rocher. Il fait, oh non, merde, fais chier. C'est vraiment emmerdé. 127 heures, je peux attendre encore une autre. Pardon, s'il vous plaît, pardon. Non, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur ? Il est mort. Non, mais il est mort. Il s'est fait bouffer par des bouquetins. Il est mort. Non, le mec, je préfère crever que répondre à cet appel inconnu. Il est mort et il n'a pas souscrit un nouvel abonnement SFR. Donc vraiment, il y a tout raté. Non, cela dit, il s'est débrouillé tout seul comme un grand parce qu'il a fini par retrouver sa voiture le lendemain matin, sain et sauf. Voilà, il s'était juste paumé dans la. Ah, il était perdu. Il était pas si perdu, je pense. Moi, je pense, si vous voulez que. Je pense qu'il a mitonné un peu en rentrant. Les médias essaient de faire des headlines avec des trucs un peu catchy, mais en fait, il est. Ah, les médias. Des fois, je rajoute un R entre le E et le D. Moi, je pense que le mec, il est. Allez. Il allait tromper sa femme. Elle lui a dit mais attends, mais qu'est-ce que t'as foutu? Il fait eh ben j'étais perdu. J'ai essayé de t'appeler. Ouais, mais en numéro masqué. Bah du coup j'ai pas répondu. Et si ça avait été les secours, j'aurais pas répondu non plus. Alors là, c'est te dire c'est meilleure dire. Excuse ouais. Et comment vous êtes-vous avec le téléphone? Toi, je sais que tu détestes ça. Moi, le numéro masqué, des fois, je fais un petit peu l'effort de répondre. Mais c'est rarement une bonne surprise, le numéro masqué. C'est rare que tu te dises, tu fasses ah, bah, je vous attendais, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone. C'est souvent de la merde. Même un numéro que je connais pas, déjà, je réponds pas, quoi. Même si c'est pas masqué, quoi. Ouais. Sauf si j'attends une livraison, par exemple. Je dis, bon, ça doit être le livreur. Oui, c'est ça. Mais sinon, je suis très mal à l'aise avec le téléphone. Morgane, les téléphones? Le numéro masqué, il y a que deux personnes qui m'appellent en numéro. C'est ma grand-mère. Ah oui. Et du coup, quand c'est numéro masqué et que j'ai pas envie de lui parler, je ne réponds pas. Ouais. Et un soir, elle m'a appelé en numéro masqué, je n'ai pas répondu. Et en fait, c'était Nagui. qui m'appelait et on se connaissait pas pour me proposer le taf que je fais. Ah d'accord, oui, c'est quand génial. Même, heureusement qu'il a laissé un message. Oui, bah oui. Et voilà. Mais d'ailleurs, oui, laissez des messages, les gens. Ouais, c'est fou s'il ça. Vous plaît, ouais, c'est fou. On dit pas qu'on vous rappellera. D'ailleurs, non, n'en demandez pas trop. Mais sinon, je suis pas très. Moi, j'aime bien regarder quand on m'appelle sonner. Ouais. Et faire croire que je suis en réunion et répondre dis-moi ici parce que je peux pas décrocher. Bien sûr. Bien sûr. Pour des raisons évidentes. Exactement. Bien sûr. Bah, du coup, c'est important de dire aux gens que quand Nagui vous appelle, il n'y a pas forcément écrit Nagui sur le. C'est écrit numéro ça masqué. Ça peut être un numéro masqué. Donc, et que peut-être que les numéros masqués que vous ne décrochez pas, c'est Nagui qui vous appelle pour proposer un taf. Donc, à chaque fois. J'ai raté des tafs et tout. Il essaye d'appeler toute la France, les gens de la matinale. Il cherche un bassiste. Oui, j'allais dire, je pourrais être au clavier. N'oubliez pas les paroles. Nagui a peut-être essayé d'appeler le randonneur perdu, là. Le mec ne le saura jamais. C'est Nagui, je suis dans le coin, j'ai un 4x4. T'es où, mec? Mais c'est quand même souvent des démarcheurs ou des marcheuses. Bah, bien sûr. Et là, c'était un marcheur, le mec, justement. Oh, marcheur, absolument. Et d'ailleurs, par rapport à ça, alors je sais pas comment vous réagissez, vous, quand voilà, il y a du démarchage téléphonique. Mais évidemment, la mauvaise solution, c'est de partir dans une négociation. Parce que, bien sûr. Forcément, il y a un texte qui est prévu pour chaque réponse. Bien sûr. Donc, personnellement, j'essaie de couper court en étant le plus respectueux possible. Ouais, ouais. C'est dur. Et c'est très compliqué de pas être odieux. Il faut pas laisser la place à la réponse, c'est clair. Ouais. Non, en fait, très vite, tu te regardes, enfin tu t'entends parler, tu dis oui. Ça y est, j'ai un ton un peu horrible. Ça y est, ouais. Il commence à tout ce moment, je brille. Mais il arrive vraiment en 4 secondes. Ouais. Ouais. Si vraiment au premier, non, c'est gentil, ça insiste. Non, mais en fait, non. Là, on va se dire les choses. Ouais, non. Tu coupes la parole la deuxième fois. La première fois, t'attends qu'il y ait une pause. Tu fais, non, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Ah bon, mais parce que, non, ça m'intéresse pas, j'ai dit. En général, j'invente un truc qui fait qu'il peut pas rebondir. Par exemple, si on m'appelle pour me dire, proposer. Un forfait de box internet. Si je réponds, je suis déjà chez machin, ils vont me dire ah ben bah, nous c'est beaucoup plus intéressant. Donc je réponds un truc du genre ah bah je sous-loue et je gère pas du tout choses comme ça. Et là ils disent bon bah je peux pas te vendre moi, ça. Moi je dis j'ai pas de téléphone. Ça marche pas. Ah oui. Ça marche pas du tout. Mais moi je pense que je vais dire des trucs. Écoutez, je suis à l'enterrement de ma mère. Je pense que là ils peuvent pas dire non attendez, restez quand même 5 minutes. Ils trouvent une autre excuse. Il reste plus grand chose. Écoutez, je suis Tim Cook, donc on baisse d'un ton. Savez-vous qui est. Non, mais tu dis, pardon. Pardon, tu dis, vas-y, je viens de me faire poignarder et je pensais que vous étiez les secours. Ouais, donc, je suis très déçu. Je suis très très déçu. Je viens de me faire poignarder, j'ai pas le temps. Ok, par Maggie. Désolé. Savez-vous qui est François Bouchard qui a récemment été élu meilleur quelque chose? Je vous demande meilleur quoi? Voilà, il a gagné un concours. Alors, déjà, non. Non? Bah, ce qui est normal, hein. Non, mais attendez, est-ce que vous me posez savez-vous qui est? Je réponds à la question, je sais pas. Il a gagné un concours à la con. Alors, oui, mais c'est pas un concours, dites-vous, du, je sais pas, plus gros mangeur de hot dog, par exemple. On n'est pas là-dessus. On est sur un. C'est quelque chose de noble ou pas? Assez. Ah oui? Mais qu'est-ce que ça fout dans Floodcast? Pour moi, c'est un mec d'un sketch de Derek. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, c'est Gérard Bouchard. Mais on a tous pensé à la même chose. C'est fou. Comme quoi, il nous a marqué, Derek. On croirait. Mais au fait, beaucoup. Surtout sur ça. Peut-être que sur ça. Son nez rouge, il le met sur sa tête. C'est vrai. Et c'est quand même le mec qui tire sur l'enfant trisomique. Dans Thème de Patrick Sébastien. Exactement. Il joue le tueur à gages dans Thème de Patrick Sébastien. La vache, c'est des choses. Bon. Oh, mais j'adore le cinoche. Vous pouvez pas en vouloir. Est coupable. Les petites pépites. Excusez-moi, je peux pas m'excuser d'aimer le cinoche. Donc, non, c'est François Bouchard qui a été élu meilleur quelque chose. Alors, c'est un artisan? Ce n'est pas un artisan. C'est un commerçant. C'est peut-être. Alors attendez, je vous dis que c'est pas un artisan, c'est peut-être son métier, mais ça n'a rien à voir avec le pourquoi de oui, son. Oui, non, je parle pas de. Est-ce qu'il a gagné, je vous le dis quand même, le titre de non français le plus caricatural? Est-ce que c'est un excellent pisseur? Également nommé de mon côté. T'as dit quoi? Est-ce que c'est un excellent pisseur? T'es pas un excellent pisseur, mais je pense. Cela dit, c'est quoi, je vais répondre à la question. Je pense que ce n'est pas l'un des meilleurs pisseurs de France. Voilà. Ça va pas vous aider, mais vous comprendrez quand je vous dirai. Un truc de boisson? Pas un truc de micro-pénis, pas un truc de boisson. Non. Le meilleur confiné? Non, ça n'a rien à voir avec le Covid. C'est sexuel? Non, c'est pas sexuel. C'est un truc qu'il fait avec son corps ou c'est. Non. Je peux vous dire en tout cas qu'il y avait 6 autres concurrents avec lui. Ah, donc c'était pendant un événement? C'était pendant un événement, c'est pas écologique. C'est artistique un peu? C'est pas artistique, mais c'est pas écologique, mais il a gagné ça en partie parce qu'il a des engagements associatifs. Il a recyclé sa merde. Non, parce que. Je sais pas, j'en sais rien. Non, bah, c'est bien, t'as dire. Non, mais bon. Tout le monde l'a pensé. Pense. Je m'enlève. Non, c'est un truc plus large que ça. Pensez pas à un truc écologie, mais en fait, il a fait des bonnes actions, ce qui a fait qu'il a été élu ceci. Meilleur donneur? Pas meilleur donneur. Meilleur receveur? Pas meilleur receveur. Mais est-ce que ça vaut le coup de chercher un truc par rapport à la pisse ou pas du tout? Pas du tout. Parce que moi, j'étais toujours là-dessus, moi. Dans la question ou en général tu... Non, vraiment là, dans la vie. Comme t'as dit, je pense pas que ce soit le meilleur pisseur. Tu peux demander à chaque news. Non, l'urine a rien à voir. C'était d'accord, vraiment parfait. N'y pensez pas. Meilleur humanitaire. Il a adopté plein d'enfants? Non, il a pas adopté plein d'enfants, il y a un truc avec les animaux. Pas avec les animaux, mais avec des enfants, tu peux trouver la réponse. Il a sauvé plein d'enfants. Il n'a pas sauvé plein d'enfants. C'est le meilleur quelque chose. Meilleur instituteur. Meilleur câlineur d'enfants dans les hôpitaux, là. Non, ce qui était très long. Et puis, il faut vraiment vérifier le CV des gens qui s'inscrivent. Ouais. C'est clown, normalement, non, c'est pas câlineur. Non, mais les gens qui ont porté des bébés. Non, c'est quelque chose de très large, hein, dites-vous. C'est pas instituteur, mais on s'approche sur ce genre de... C'est aussi large que ça. Papa, c'est... le meilleur papa. Tu y es presque. Le tonton. Non. Grand frère. Grand-père. Meilleur papy. Oh. François, il est dans la Drôme. Le meilleur papy de France s'appelle François et vit dans la Drôme. Il a été élu super papy 2021. Il est parti par ses petits enfants. Enfin, alors ouais, non. Il lui en fait un mug. Mec, il a dit quoi? Wow, c'est moi. Non, non, c'est juste un mug, papy. Wow. Il a instantanément appelé la presse. Je viens d'être élu. Non, je suis super papy 2021. Sur l'enregistrement téléphonique, t'entends les petits enfants. Mais c'est juste un mug, putain. Mais comme les médias sont pas regardants, ils ont vu le mug, ils se sont dit mais oui, c'est la preuve. Ils vérifient pas l'info. Je vous montre quand même la photo d'Ouest France où on sent que c'est un papy bien entouré. C'est vraiment le meilleur passé. C'est cette fille. Non, je crois que c'est sa femme. C'est en France. C'est en France. Il est dans la Drôme. Comme je vous le disais, François Bouchard. Mais on pense à avoir plus sur les dans les aboutissants des élections. Ouais, je vais vous le dire. Oui, parce que. Oui, je vais vous le dire. Donc en fait, quand je vous disais truc associatif, c'est qu'il a des engagements associatifs. Mais ça en fait le déjà ça ne concerne pas sa grande paternité ça pour l'instant. L'entête me fait rire. Il a gagné grâce à ses engagements associatifs, mais aussi à ses performances de danse. Deux choses qui n'ont rien à voir. Le titre super papy, c'est juste parce que le mec est yeux. Ouais, c'est ça. Ça y ressemble. Faudra lui. Ce premier super papy de l'histoire savoure sa victoire qu'il doit notamment à sa femme Catherine avec qui il a eu 3 enfants. Alors, non mais c'est là où c'est fou parce que sa femme avait été élue super mamie en 2007. Mais c'est non mais en 2007. Non mais voilà. Qui a créé le concours? Ce serait pas par hasard? Concours dans un village et c'est les mêmes qui participent tous les ans. J'ai l'impression. C'est magouille là. Parce que la coïncidence est quand même assez énorme. Bah écoutez, vous avez peut-être raison. C'est un peu les Balkany de la. Super papy. Depuis, le couple s'investit auprès de Fabienne Ollier, qui est la fondatrice du comité. La femme gère notamment l'entrée des artistes lors des élections. Et moi, je donne des coups. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. Non, j'avais l'impression de voir de la fumée, mais je suis. Oui, c'est la fumée de ma cigarette électrique. Mais oui, d'accord. Oh là là, il panique. Coupe-moi tout le temps. C'est juste au-dessus de la mixette. Bon, elle... j'ai eu peur. Bon, la pièce est en train de brûler. Qu'est-ce qui se passe? Un passionné de moto, de jardinage et de voyage. C'est vrai que c'est 3 activités que les gens ont peu. Oui, après, tu pars en voyage, tu t'éloignes de tes petits-enfants. Mais alors, en quoi est-ce qu'il y a des précisions sur le déroulé du concours? Parce que t'as dit qu'il y avait 6 concurrents face à lui, donc c'est que c'était pendant un événement. Je pense que c'est comme Miss France un peu. Je pense que c'est l'équivalent de Miss France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent, on donne tes qualités, les trucs que tu fais dans la vie. Donc en fait, la seule condition, c'est d'être papy, mais après. C'est juste meilleur humain. Ouais. Ça n'a pas de rapport avec ta grande paternité. Et je suis quand même content que tous ensemble on débunk cette série. Non, mais il n'y a pas d'épreuves. Genre, est-ce que tu peux fabriquer un petit moulin avec des feuilles et des brindilles dans une rivière? Tu veux dire, des épreuves de vieux. Oui, genre, voilà. Tu fais un sifflet avec une feuille, avec un trou dedans. Ça, mais bien c'est sûr. Un papy, ça. Celui ça, qui a le moins peur des escalators. Celui qui parle le plus longtemps à la boulangère. Qui regarde le plus longtemps les travaux. Qui aide le plus de voitures à se garer dans la rue. Qui chie dans son froid. Les vieux. Donc lui, il a des passions, comme je vous disais, moto, jardinage, jeu de cartes, voyage en camping-car. Il a occupé le poste de trésorier de son club de pétanque durant 30 ans. Mais non, mais c'est vrai que. Bon, il a l'air, super vieux. Sachant quand même, il a aussi organisé un salon des collectionneurs. C'est marrant, mon grand-père faisait ça aussi. Dont les recettes seront reversées à 2 associations. La première œuvre en faveur des diabétiques et la seconde pour les enfants qui souffrent d'un déficit immunitaire. Excusez-moi, mais c'est un super papy. C'est quand je vous le dis comme c'est ça. C'est un excellent humain, en tout cas. Les jurés ont également. Odieux avec ses petits-enfants. C'est génial que les petits-enfants ils sortent un bouquin. Ouais. Super papy, point d'interrogation. Ouais, oui. Les jurés ont également pu admirer les talents de danseurs et pourtant c'était pas gagné. Parce que le super papy dit on peut dire que ma femme m'a coaché, c'est une bonne danseuse et une grande chanteuse, moi je ne suis pas vraiment bon danseur. Pourtant il a pu esquisser des vrais pas de valse, de rock et de twist. Il a dansé sur Pour ceux de Mafia qui en font. Sachant qu'il est grand-père depuis l'âge de 40 ans quand même, donc jeune grand-père. Ah oui, grand-père depuis 40 ans. Donc il a 40 ans. Depuis l'âge de putain. C'est-à-dire qu'il peut avoir eu ses 20 ans, ça marche. J'ai été très surpris car je ne pensais pas être élu. J'ai eu les jambes qui ont flagellé et mes yeux ont rougi. Mais c'est parce que je suis vieux. Oui, ça m'arrive régulièrement. Ça flagelle tout le temps. En fait, je n'avais pas pris mon insuline, tout bête, tout bonnement. Quand j'ai appris que j'avais été élu, je me suis chié dessus. De non. Ouais, vous êtes juste chié dessus, François. François Bouchard. C'était quoi vos peut-être déjà, est-ce que vous avez tous vos grands-parents encore? Peut-être pas. Non, oui, hein. J'ai une grand-mère. T'as une grand-mère. Waouh. Est-ce que vous sentez vous qui vous ont transmis quelque chose qui fait ce que vous êtes aujourd'hui? C'était quoi vos relations avec vos grands-parents? Moi, je sais que j'avais des parents jeunes qui ont travaillé tôt, donc en fait, moi, j'étais. Enfin, j'ai été éduqué par mes parents, mais mes grands-parents ont une place. Toi, ta grand-mère t'appelle en numéro masqué quand même. T'appelles en numéro masqué. Non, je suis assez proche de ma mamie qui me reste, qui est en Guadeloupe. On est dans un amour d'une antillaise de 80 ans qui a été élevée avec 8 frères et sœurs, donc qui te dit je t'aime de plein de manières détournées, mais qui te dira jamais un truc gentil. Faut lire entre les lignes, mais je vais quand même la voir très régulièrement et elle est extrêmement mims. Oh, trop bien. Alors, pour moi, c'est elle qui devrait gagner. C'est pas super mamie. Toi, Adrien? Ma relation avec mes. Bah, si aujourd'hui, dans ce que t'es, tu vois des trucs qui viennent de tes grands-parents. Je sais pas trop. Est-ce qu'ils adoraient les cabanes? C'est ma question. Non. Moi, il y avait un côté un peu. Mon grand-père maternel, il y avait un côté un peu engagement, genre politique, humaniste et tout, quoi. Je pense qu'il m'a un peu transmis des trucs, mais après, c'est aussi. Enfin, il l'a transmis à ma mère qui me l'a transmis. Après, je dis pas que je suis. Puis Twitter aussi, ça t'a beaucoup aidé, je crois. C'est lui qui m'a créé mon compte Twitter. Non, mais après, je dis pas du tout que je suis une des personnes les plus engagées, mais je pense que j'ai un peu une conscience qui m'a été transmise par lui. Après, sinon, j'étais pas très très proche de mes grands-parents. C'est ça qui joue le truc aussi. Toi, Patrick, un petit peu? Un conteur d'histoire, moi, pour moi, qui était un peu ce truc-là. Quand je parle de mon grand-père, pour moi, c'est un conteur d'histoire. T'es mon grand-père pour moi, Patrick, je te le dis. Grand-père Castor. Grand-père Castor. Je suis touché d'autant que je suis plus vieux que le mec qui était grand-père à 40 ans. pareil. Mais oui, je pense que j'étais trop jeune quand mes grands-parents sont morts pour vraiment lier une connexion forte. D'ailleurs, aujourd'hui, je regrette. J'aimerais bien pouvoir leur présenter mon fils. Tu regrettes de les avoir tués, du coup? Je regrette. Chaque jour que Dieu fait, je me dis, j'aurais pas dû. Mais moi, mon grand-père paternel m'a offert ma première voiture. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà. Et je me souviens que 2 jours après qu'il me l'ait offerte, je l'ai légèrement éraflé. Et il m'a dit, j'aurais jamais dû te la donner. Donc, voilà. Donc, le chaud et froid, quoi. J'ai du mal. Non, mais c'était. Un pervers narcissique pour moi. Après, je veux pas. C'est Vincent Cassel dans Mon Roi, ton grand-père. On te le dit comme on le pense. Tiens, tu vas très bien te débrouiller. Une petite éraflure, t'es qu'une merde à mes yeux. Je sais pas où trop me situer, papy. Dans la vie. Toi, Julien? Moi, j'ai très peu connu, en fait. J'ai surtout connu. J'ai bien choisi mes invités pour cette question. Je suis ravi. Quand je suis né, il en restait que deux. D'accord. Et j'ai surtout connu une grand-mère, mais qui est morte quand j'avais 15 ans. C'est un peu pareil que ce qu'a dit Adrien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément de transmission directe, mais elle a transmis des valeurs plus à mon père, puis du coup à moi. Après, il y a une histoire. Était d'origine juive pendant la guerre, donc d'accord, il y a aussi une histoire familiale qui fait que qui fait que ça marque et que ça transmet des valeurs et puis voilà. Mais après elle était handicapée, j'ai pas de grands souvenirs de sorties, d'activités avec elle. C'était, je la voyais à la maison, quoi, et puis elle était posée là, voilà. c'est ça un peu limite. On est tous super mal à l'aise. Un homme a demandé à être incarcéré de son plein gré en prison ferme, à votre avis, pourquoi? Ah, j'ai vu ça. Ah, parce que sa femme. Pardon, j'adore le web. Parce que il était assigné à résidence et que sa femme lui cassait le cul. Écoutez, exactement, mais c'est exactement ça. Et c'est une vraie news. Hein. La machine ne fume pas, Adrien. Non. j'ai juste un reflet pile là et j'essaie de me positionner. Mais tout va bien, Si je fais ça. Regarde là comme ça. Ouais. Voilà. Là, va pas le débrancher. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu as tout à fait raison, Morgan. C'est un homme qui a été assigné à résidence avec sa femme et qui a préféré aller dans une vraie prison plutôt que dans rester. Quel pays encore? C'est un Albanais. Non, c'est en Italie. Pardon. C'est un Albanais qui était assigné à résidence, mais ça se passe en Italie, cette histoire. Une demande étonnante a été reçue par le commissariat de Tivoli, près de Rome. L'homme a expliqué qu'il souhaitait être, c'était 24 ans, qu'il souhaitait être incarcéré, ne parvenant plus à faire face à la cohabitation forcée avec son épouse. C'est une vraie news, hein, c'est pas un sketch d'Olivier de Benoît, voilà, comme vous dites. C'est une blague de stand-up. Ouais, c'est ça. Moi, la femme, elle est tellement insupportable, je préfère aller en prison. Et il y avait un chien, pardon, ma belle-mère. T'arrêtais pas de japper, oh là là. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a obtenu gain de cause. Voilà, il a été transféré en prison ferme. Avec nos impôts, après, il était condamné de base. Oui, oui, de base. Donc, ouais. C'est vrai que l'histoire. Il était sous bracelet chez lui et bon, ok. C'est ça. Oui. Mais d'ailleurs, l'histoire ne dit pas pourquoi. D'ailleurs, je suis en train de checker. Ouais, mais... parce que sous bracelet, pour être chez toi, il faut avoir fait un truc quand même pas trop. C'est pas un homicide, quoi. Oh, non, je suis bon. Ah ouais. Je sais pas, je connais pas des la juridiction. S'il n'y a pas de place en prison, bah juste, t'as pas le droit de sortir de chez toi du tout. Ouais. Mais enfin, il me semble. Ça me rappelle le confinement. Après, évidemment, si t'as tué 36 personnes. Ouais. Ouais. Il est possible qu'il y ait une cellule pour toi. T'as le droit de rester toi, que dans ta chambre. Non, c'est dehors, alors, je dis donc. Bon. T'as oublié le nombre de gens que t'as tué, tu rentres dans la maison tout de suite. Oh, allez, il fait beau. Non. Il avait été condamné pour des crimes liés à la drogue. Voilà. Donc on sait pas quel crime, mais apparemment c'était du trafic, visiblement. Un homme vient d'acheter un bien immobilier à Beaufort Orbania et depuis son achat, des gens viennent sonner 3 fois par jour chez lui. À votre avis, pour quelle raison ? Il a acheté un relais de poste ou... Oh putain, elle est très forte. Alors c'est pas ça, presque. Il a racheté un ancien cabinet médical pour en faire son logement. Et du coup, bon, l'histoire est pas folle, mais ça me fait rire parce qu'il y a 5 à 6 vieux par jour qui viennent lui demander des examens. Faut peut-être retirer la plaque. Ouais. Faut peut-être pas hésiter à retirer l'enseigne qui clignote, quoi. C'est ce qu'il a expliqué, c'est que en fait le problème, c'est que c'est sur Internet en fait, c'est sur Google. Le truc n'a pas encore été modifié. Et il ne peut rien faire et apparemment il se bat contre Doctolib. Contre des vieux. Il s'habille en blouse blanche. Hein, donc, oui, alors ça, ouais. C'est ça, il a toujours un télescope autour du cou. Non, mais on a tout de même ajouté une affiche sur notre pote indiquant la nouvelle adresse de la maison médicale. Heureusement, il n'y a jamais eu d'urgence, ajoute le trentenaire. Ah oui. Mais au final. Il se lance, il fait un massage cardiaque. Il tue la personne. Je sais pas dire non, Voilà, que voulez-vous que je vous dise. Traqueo. Il y a une catégorie de gens qui ont ce type de problème, c'est les propriétaires de maisons qu'on voit dans des films ou dans des séries. Ah, par l'enfer, exemple, ça, ouais. Dans Street View, si vous allez voir la maison de Walter White dans Breaking Bad, elle est floutée. Parce que les propriétaires ont demandé à ce qu'on ne la voit plus sur Street View, mais du coup ça l'aura encore plus attirant. Oui, parce que les gens vont la voir en vrai. Gens y vont, jettent des pizzas sur le toit pour ceux qui connaissent la série, etc. De la méthamphétamine également, c'est ça. Absolument. Et puis ils frappent à la porte pour dire I am the one who knocks, etc. C'est la même chose par exemple pour la maison hantée d'Amityville. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent, déjà c'est fou de l'avoir acheté quand même. C'est quand même fou. Ouais. Et si vous allez dans Street View voir la maison d'Amityville, elle est totalement floutée, ce qui la rend encore plus effrayante parce que c'est la seule du quartier. Bah, surtout que c'était une vraie histoire. C'était une vraie histoire. Quand même, Amityville à la base. Il y a un problème avec la baraque. Mais du coup là, c'est la baraque, la vraie baraque ou la baraque du film? Tu veux dire Amityville? Ouais. Là pour le coup, oui, là c'est la vraie baraque. La vraie baraque. Parfois il y a des maisons qui ont été utilisées dans des tournages. Mais qui va racheter ça? Enfin, c'est un autre sujet. Mais qui va racheter une maison hantée? Apparemment depuis l'époque. Moi je l'achète. Depuis l'époque. Je crois pas. Les histoires, voilà, les histoires d'Amityville c'était dans les années 70. Et depuis l'époque, il n'y a plus jamais eu de problème. Bah ouais. Est-ce que ça venait pas plutôt des propriétaires? Si, il y a eu un dégât des eaux, mais grand max quoi. Enfin franchement, pas de quoi se plaindre. Mais oui, la maison des Goonies aussi. J'ai une pote qui voulait et elle est allée. Il y a les gens qui, donc tout est barricadé. Et même quand les gens ralentissent devant la maison, ils sortent en disant barrez-vous, cassez-vous, prenez pas de photos et tout. Quel quotidien. La maison des sœurs Halliwell aussi À San Francisco. À San Francisco. Ah ouais. Ouais, de Charles. Oh la vache. Putain. Et ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié totalement ce que je voulais dire. Bah alors, les habitants de Boone ou Bun, je ne sais pas, en Californie du Nord, sont obligés de fuir leur petite ville à cause d'animaux. À votre avis, pourquoi? Des singes. Pas des singes. Ah, lesquels ou pourquoi? Les deux. Lesquels. Et après, ils font un truc un peu agaçant. En Caroline du Nord. C'est en Caroline du Nord. Ah, Caroline du Nord. Alors, ce ne sont pas les ours. C'est pas des putois. Ce ne sont pas des putois. Des furets. Ce ne sont pas des furets non plus. C'est un peu gros. Par rapport à un sac à dos. Par rapport à un sac à dos, écoute, c'est un peu plus gros qu'un sac à dos. D'accord. Un chevreuil. C'est pas un chevreuil. Ça a quatre pattes. Raton laveur. Ça en a seulement deux. Donc c'est un oiseau. C'est un oiseau. Très belle déduction. Des oies, des canards. Non. Des cygnes. Plus gros. Non, pas des hérons. Des autruches. Pas des pélicans. Pas des flamants roses. Pas des flamants roses. Waouh, on a tout fait là. Les amoureux d'oiseaux sont régalés. La LPO est. Non, c'est des animaux assez agressifs quand même. Des vautours, des corbeaux. T'es pas loin. Un aigle, des aigles. Je vais vous l'accorder, c'est des buses. Oui. Mais ils n'attaquent pas, ils font quelque chose d'autre. Ils volent. Très bonne réponse encore de Morgane Cadignan. Eh oui. Alors, dès que ça touche à la mer. Morgane Cadignan, dès que ça touche à la mer. En spectacle. Au Métropole, le jeudi. Lecture. Elle vous lit toutes les œuvres liées à la merde. Oui, c'est ça, Lucchini fait l'argent, Morgane Cadignan fait la merde. Des ordonnances de proctologue et tout. L'histoire, pour mettre une petite précision, ce n'est pas que la merde. Il chie et dégueule également. ouais. Donc, du coup, c'est. Bon, voilà, les gens en ont marre. Les gens sont un peu exténués par cette vie. 125 bonnes raisons de déménager. La maison hantée. C'est vraiment les oiseaux de Hitchcock, mais version sage. Version sortie du corps. Il y a une quantité d'oiseaux. Vraiment cantonné à cette ville, apparemment. Cette ville. Ouais, apparemment à cette ville. Mais est-ce qu'il y a déjà un être humain autour de cette table qui a déjà vu un oiseau dégueuler? Dégueuler. Ça doit rester un peu dans le bec. Ouais. Non, mais il dégueule pour nourrir. Moi, j'ai vu ça. Oui, dans une espèce de truc pour nourrir les petits. Oui, mais ça doit être infinitésimal. Parce que oui. Ouais, mais bon. Oui, après, je sais après, pas. S'il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu un canard chier. T'as vu un canard chier? Je sais pas si vous avez vu cette vidéo d'un canard qui chie. C'est immonde. Alors, immonde. Je pense avoir déjà vu un canard chier. Mais c'est vrai, dans la nature. Pour voir ça, il faut vraiment taper les mots-clés précis, je pense. Planpisse.com, une histoire de j'ai expliqué. Bien sûr, je l'ai lu. Ça projetait un jet de chiasse hyper loin, quoi. Non, pas en spray, vraiment un jet. Caroline Dillard, c'est les States. Imagine, t'appuies fort sur un tube de dentifrice, quoi. Ça faisait vraiment ça, quoi. Ah oui, d'accord. Horrible. Ouais, le pénis sonore. Du canard, très intéressant. Ah bah, aussi, c'est encore pire. Un classique. Une tuyauterie, plus ou moins, en termes de. Farfelu pisseur, je pense. Une bite en tire-bouchon, quand même. Mais pour revenir à ces oiseaux qui dégueulent, apparemment, c'est des petits. Voilà, c'est des petites fientes, hein. C'est pas non plus. Enfin, genre, il y a pas. Sorti du café ou. Ouais. Mais il y a une buse qui tient les cheveux de l'autre buse pendant qu'elle dégueule. Là, c'est des charognards, donc ça doit être assez ignoble. Je pense. Quand t'as gerbé sur la ville. Ils gerbent des bouts d'autres animaux. Oui. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que les autorités ne peuvent rien faire parce qu'en fait, une buse n'est pas agressive. Donc, en gros, ils vont pas chasser les buses, pour empêcher de se faire chier. Et puis, la buse dessus. A très peu de sens civique en plus. Donc, la police ne pourra jamais rien faire. Il n'y a pas de jurisprudence. Comment tu menottes des elfes? Et elle écoute pas. Enfin, elle écoute pas ce qu'on lui dit, la buse. Non, mais ils ont essayé. Ils ont essayé. La buse. Mais ils ont essayé de les effrayer à l'aide de canons et de cornes de cornes de brume. En mode canons, des canons à quoi? Je sais pas, des canons. C'est juste marqué des canons. Ouais, il y a écrit des canons. Ils font des coups de canon. Bah oui, non, des coups de canon pour leur faire. Avec leur bateau pirate. Ah, la buse, c'était un pirate. Oui. La buse, c'était un pirate. Trésor de la buse, bien sûr. Tout se regroupe. Au plus fort de l'invasion, elle comptait quand même 58 buses perchées autour de sa maison. Assez impressionnant. Mais rien que ça, déjà, c'est une personne. Personne qui disait qu'elle avait compté 58 buses. Mais tous les autres habitants de cette ville constatent le problème. C'est ou ça. Y a qu'une... Non, tout le monde, apparemment, d'accord. Mercredi dernier, j'ai toutes les infos. Hein, je vous dis, c'est la fête. C'est Dupont de Ligonnès Society. J'ai tout là dans les yeux. 28 bus se sont assis sur une tour de téléphonie mobile le long de la rue de Main et 21 autres se sont assemblés au lycée et ont chié sur des enfants. Voilà, je peux pas vous dire mieux. J'adore. Ouais. Ah non, le canon, je l'ai, pardon. C'est un canon à propane sur le toit de l'école qui a été tiré. Canon à propane. C'est juste pour faire un boom. Oui, c'est ça, C'est-à-dire que c'est inoffensif pour les oiseaux. Du coup, c'est chier de peur, tout en même temps. C'est un cercle vicieux, en fait. Hein. Ça ne s'arrêtera jamais. Le chef de la police, qui se dit vraiment, c'est ça mon quotidien, je pense, a dit, cela a fonctionné pendant un certain temps. Il semble qu'il soit de retour. Donc ça, c'est vraiment le film d'horreur. Le gars se fait un meurtre depuis tellement d'années. Mais oui, voilà, et donc effectivement, comme le dit l'article, ça se nourrit de charognards, donc en plus c'est assez horrible, quoi. Okay. Voilà. Sachant que certains aussi, les excréments sont acides et peuvent ronger la peinture d'une voiture, nous explique le News and Record de Greensboro. Un régal. S'il y a des gens qui écoutent le jeu, qui veulent écrire un scénario de ce film, vraiment, on s'engage à essayer de le financer. Mais ouais, c'est ce que je disais, c'est un peu les oiseaux d'Hitchcock, mais genre. Mais si Hitchcock disait. Ou alors il chie. Sinon il chie. De toute façon, on se rend compte que la V1, c'était ça, c'était inspiré par cette ville. En fait, c'est un mélange entre Hitchcock et les frères Farrelly, le truc. Oui, c'est le juste milieu. Ouais. J'en ai une petite dernière pour vous. Alan Turpin, maire de Andre dans le Nord-Pas-de-Calais, est victime, on parlait de volatiles, on y revient, était victime d'un terrible corbeau. Mais à votre avis, quel genre de message reçoit-il? Des jeux de mots avec le nom Turpin. Non, ce serait génial. Il vient d'où, excuse-moi? Il vient du Nord-Pas-de-Calais, la mairie genre de Andre. Un pot de Turpin, par exemple? Oh oui, voilà, bien sûr, bien joué. Turpin peinture. Personne à Mazur. Turpin demi. Non. Alors on est prêt pour le Turpin. Ben, le Turpin. Oui. Ouais. Hier, tu as dit, tu sors au téléphone. Que horrible. Ça, toute la journée. Je vais le faire, du coup. Non, c'est un message très précis. Que sa femme le trompe? Non, non, non. Est-ce que c'est inoffensif? Oui, oui, non, non. C'est chiant parce que c'est tout le temps, mais il y a rien de. Voilà, il le menace pas de mort. Il lui dit que c'est un super papy. Il lui dit l'inverse. Tu seras jamais le super papy, ok? Est-ce que c'est une personne qui parle ou une personne qui joue un enregistrement de quelque chose? Alors, j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. C'est un animal. Non, c'est pas un animal. T'as dit quoi? Des lettres? Non, ce ne sont pas des lettres. Pardon, Morgan. C'est des appels. Ce sont des appels téléphoniques. Ce ne sont pas des chansons. Il rote. Alors. Les gens sont magnifiques. Bah oui. C'est formidable. Sachant que l'entête de cet article de la dépêche.fr dit. Qui en veut au maire d'Andre dans le Pas-de-Calais? Alain Turpin est victime de dégradation depuis quelques années. Il y a déjà eu des graffitis sur sa maison, donc ça un peu moins cool. Ah merde, c'est moins drôle du coup. Mais. Un peu drôle. Est-ce que c'est tagué burp sur sa maison avec aussi de la merde de buse? Mais pendant la dernière campagne des élections municipales, alors candidat, il avait reçu des appels téléphoniques anonymes. Parfois, l'auteur de l'appel restait silencieux, mais régulièrement, il se mettait à roter longuement. L'élu a enregistré ses appels et a décidé de les faire écouter au conseil municipal mardi soir. Oh, c'est le meilleur conseil municipal ever. Pareil, je pense que les gars qui viennent font sérieux, c'est ça notre vie. Ouais, on n'a pas genre améliorer l'urbanisme. Non, je sais pas. Oui, bah c'est bon, on a entendu là. Non, non, mais attendez, parce que là il en fait un très très long. Oui, là, mais, vous allez voir. Venez, oui, on parle mais des voix de vélo. Non, on va écouter tous les héros. Donc l'auteur, quand même, je tiens à vous le dire, l'auteur de ces appels a décidé de se redémasquer. Au final, on sait qui a roté dans le combiné. Grégory Guillotin. Un prank depuis le début. C'est le titre du film d'ailleurs. Ouais, qui a roté dans le combiné, exactement. C'est un roman d'enquête, Agatha Christie. C'était le conjoint d'une élue de l'opposition. Voilà. Au final, on irait bien sûr. Mais il a fait roter tous ses administrés. Ouais, oui, jusqu'à trouver la bonne personne. Il y a 17 complices, c'est Knives Out. C'est vraiment, il y a 17 complices. Est-ce qui qu'on a le parti politique de du roteur du, ouais, pardon, de la femme du roteur, ou du roteur. Non, je pense qu'on peut, ça doit se chercher peut-être. Mais la roteur dame du coup. Oh là là, putain. La ville. Mais est-ce qu'il a tout de suite commencé par roter ou est-ce qu'au début c'était silencieux? Non, alors il y avait des appels sans rien. Ouais. Et comme le dit l'article, il y a quand même eu des dégradations, des trucs. Donc rien, la personne n'a pas que roté. Mais non. Pourquoi il s'est dénoncé? Ouais. Je sais pas, la pression peut-être, tout simplement. Bah, la pression de quoi? La fierté de pouvoir dire son prénom. En ouais, temps. Je pense que ça, il cherchait un truc. L'élu a dû faire appel à la gendarmerie, il a porté plainte, les raisons du comportement du conjoint n'ont pas été rendues publiques. Ah, il n'y a pas de crime parfait. Ouais, après, bon, énorme. On s'en doute un peu si sa femme est dans l'opposition. Oui, mais tu sais, la police de Andre dans le Pas-de-Calais, sur la planche. C'est ça, exactement. J'essaie de voir de quel parti politique il fait, mais il faisait partie, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Je cherche en direct, mais je ne trouve pas. J'ai prévenu les auditeurs que vous étiez invités autour de la table, et donc ils ont des questions à vous poser tous autant que vous êtes. Je commence par Adrien. Écoute, tout simplement. Adrien, alors c'est encore en rapport avec ton Inktober. J'en profite parce qu'on est, on est fin octobre. On est le 1er novembre. C'est l'épisode spécial Halloween, je vous ai pas dit. Je sais pas si vous avez remarqué. Ou le spécial Toussaint d'ailleurs. Il y a des citrouilles partout dans le studio. Je me suis douté de quelque chose. C'est vrai, exactement. Il sort le 1er novembre. Il sort lundi là. On est 28. Lundi, c'est le 1er novembre. D'accord. Oui, bien sûr. Joyeuse Toussaint à tous. Bah oui, surtout Jean-Baptiste. Oh là là, bien sûr. Qui sort son merch. Bien sûr. Bien joué. Donc, pour Inktober, est-ce que tu as prévu de faire des tirages et de les vendre? Car non. La personne qui le demande était intéressée pour en acheter. Hein. Oui, juste pas. Bah, j'imagine. J'ai pas prévu, mais j'aimerais bien faire des tirages de mes dessins, mais je me suis vite fait renseigner un peu sur comment je pourrais procéder. Et, bon, faut que je le fasse plus sérieusement. Mais ouais, pourquoi pas, mais c'est pas prévu dans l'immédiat, quoi. Très bien. Julien, voilà. Julien, tu as annoncé il y a quelques semaines vouloir arrêter de te mettre une pression pour avoir une régularité sur Twitch. Ouais. Quelques semaines plus tard, est-ce que tu en tires du positif? Oui. Énormément. Alors pour expliquer, donc oui, tu énormément, es. Énormément. Bah, oui, non, mais pour expliquer, tu es streamer. Oui, je suis streamer. Ça fait depuis début 2018 que je stream régulièrement sur ma chaîne Twitch. Et que au fur et à mesure des mois, j'essayais d'améliorer visuellement le truc, d'avoir de plus en plus de personnes, de trouver des concepts, etc., etc. Enfin, les soirées avec d'autres streamers, des choses comme ça, sans que ça aille jusqu'à ce que je puisse dégager assez de revenus pour me dire bah maintenant c'est ça mon activité principale. Mais c'était quand même très sympa. Et en fait, oui, effectivement, il y a eu un moment où je me suis dit bon, ça stagne et c'est pas grave si ça stagne. Ouais. Je vais pas essayer à tout prix d'améliorer. Je vais pas me dire ah bah il faudrait que je stream plus ou il faudrait que je trouve vraiment de meilleurs concepts ou que quand il y a un concept qui marche bien, même si moi ça me fatigue, bah je vais quand même le tirer pour avoir du monde, etc. Et en fait, à partir du, c'est quelque chose que je traînais depuis un moment. Et après, il y a eu les vacances qui fait que j'étais moins là, donc de base, je streamais moins. Et en rentrant des vacances, je me suis dit, en fait, c'est pas mon activité principale et j'ai envie que ça reste un hobby. Et de me dire, quand je lance un stream, c'est que vraiment j'ai envie de lancer un stream. Le nombre de gens qui sont là ou pas, c'est pas grave. Si je veux streamer sans webcam, je stream sans webcam parce que ça aussi, c'est une petite pression aussi. Et j'ai voulu aussi un peu dire ça aux gens qui ont, on va dire, un succès intermédiaire sur Twitch, des gens qui streament devant moins de 100 personnes et qui, même année après année, continuent à avoir ce chiffre-là, qu'il y a un moment où il y a une espèce de pression de la plateforme et aussi du public et aussi du fait qu'on va se comparer à d'autres streamers qui fait que qu'on va se dire il faut que je grimpe, faut que je monte et tout. Et en fait, non, ça peut très bien streamer, peut très bien être un hobby au même titre que se mettre à faire une partie de foot avec des amis n'implique pas forcément que tu vises la Champions League. Non, mais ça me fait beaucoup de bien. Mais est-ce que t'étais fatigué là sur la fin? C'était un truc Il y avait un peu de ça et puis il y a aussi des trucs au niveau des conditions de chez moi où c'est compliqué d'être dans un appart pas très grand avec quelqu'un de devoir monter un fond vert plein de choses comme ça. Il y a un côté un peu fatigant et c'est vrai qu'il y a un moment où je me mettais à streamer sans forcément avoir l'envie en fait. Sans forcément avoir envie et en fait j'ai jamais streamé sans plaisir, mais je me suis mis un petit stop en me disant j'ai pas envie que ça devienne j'en arrive au point où je stream alors que j'ai pas envie. Je lance un stream en me disant j'ai pas envie, mais bon, il faut bien. Et il y a aussi le fait que Twitch a mis en place aussi des petites parce qu'ils ont changé les prix des abonnements des subs pour les viewers et ils ont dit pour compenser la perte que ça peut engendrer sur notre page de créateurs sur Twitch, maintenant il y a marqué il faut que vous streamiez au moins tant d'heures ce mois-ci. Et dès que j'ai vu ça je me suis dit bon relou. Mais là de toute façon toi aussi Adrien et même Patrick vous avez streamé en hobby là récemment aussi. Toi, pendant le confinement, t'as streamé un petit peu, Patrick. Moi, c'est un exercice qui t'a plu, que tu pourrais refaire? J'ai bien kiffé, j'ai lancé ma chaîne Twitch au premier confinement. Ouais, comme plein de gens, j'ai l'impression, on a découvert ça. Plein de gens, et au début, je pense que je devais faire peut-être 3-4 lives par semaine, et puis je me suis très très vite calmé. Et là, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait. Mais en même temps, j'ai un concept qui fait que c'est difficile d'en faire très souvent, puisque je fais les étranges escales à la maison. C'est-à-dire que je dois chercher des lieux sur Street View, un peu surprenants, etc. Il faut les trouver. Ce qui fait que je peux difficilement le faire tous les jours. Mais j'ai bien envie de. T'as fait du gaming un peu? Ah, il y a eu un peu de gaming aussi. Il y a eu un petit peu, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, moi, je joue de temps en temps The Longing que tu. De longing. Fascinant. Vous pouvez dire aux gens que c'est, je vous en supplie. C'est un jeu, en gros, au début. C'est pas les recos, mais. Non. Tu chies sur mon conducteur. On incarne un petit personnage qui est au service du roi, qui est une espèce de créature gigantesque dans une caverne. Et le roi dit je suis fatigué, je vais dormir, réveille-moi dans 400 jours. Et le principe du jeu, c'est que c'est en temps réel. C'est-à-dire que tu vas devoir réellement, dans 400 jours, aller réveiller le mec et du coup. Dans l'espace de ces 400 jours, tu n'as pas d'autre but que de passer le temps et d'explorer les trucs, d'explorer les grottes et d'aller. Simulation d'attente. Voilà. Tu peux. Non, mais c'est vrai, tu peux jouer. Parce qu'on le fait pas assez dans la vie. Non. Du coup, c'est jouer. Tu peux y jouer deux fois. Tu peux lancer le jeu, attendre 399 jours, réveiller le roi, le jeu est fini. Mais tu peux aussi choisir de faire d'autres choses, explorer les tunnels de ce monde souterrain. Donc c'est assez unique. Évidemment, le temps passe même quand tu joues pas. Bien sûr. Sinon, c'est insupportable. 15 ans. Envie de crever. Mais du coup, j'y joue de temps en temps. Cool. Par tranche de 10 minutes parce que c'est quand même assez chiant. Faut le dire. Non, mais jeu, c'est intéressant, mais c'est un peu chiant. C'est-à-dire que le personnage ne peut même pas courir. Non, il est très lent. Donc il ne fait que marcher très lentement et... Franchement, je vais être honnête, vous ne me l'avez pas vendu. Franchement, je suis sincère, une espèce de truc artistique un peu un commentaire sur le temps et tout. Ouais, ouais. Non mais c'est intéressant. Non mais par exemple, tu vois, à un moment, t'arrives à un endroit. Je pas, mais regarde pas comme ça. Mais non, mais il y a des gens qui écoutent, imbécile. Oui. Les gens vont l'acheter. Non, non, mais il y a, par exemple, à un moment, t'arrives à un endroit où il y a un précipice et il dit, ah, il y a de la mousse qui pousse en bas. Mais elle est trop, elle est pas assez épaisse pour amortir ma chute. Il faudrait attendre. On vient dans 10 ans. Non, dans 2 semaines, je crois, il dit. Ouais. Donc, du coup, faut c'est revenir. Exactement l'exemple que je voulais donner. Faut revenir 2 semaines après. Ça m'angoisse. Bah, ça t'angoisse. C'est un mais forcément, temps. Tu cours après le temps toute ta vie là. Du coup, tu vois, acceptes ça... tous les boulots là. Tu brûles la vie par les deux bouts. Un podcast par semaine, Adrien. Tu vas crever. À mon âge, tu seras mort, mon pote. Ce qui est super, c'est que ça te donne des choses à attendre. Des fois, tu dis, tiens, peut-être que la mousse a suffisamment poussé. Oh bah. Je vais retourner dans le jeu. Mais regarde. Oui, un petit peu. Ça me fait penser. Alors, c'est l'inverse parce que du coup, faut pas jouer. Mais le jeu PC de Stanley Parable. Mon jeu préféré. Dont un des objectifs, en fait, un des succès Steam du jeu s'appelle Go Outside. Et en fait, le succès, c'est ne jouer pas au jeu pendant 5 ans. Ouais, et donc, en fait, et là, depuis le temps que le jeu est sorti, c'est bon, ça fait plus de 5 ans. Donc, il y a des gens qui ont fini le jeu en 2014 et qui ont arrêté de jouer, qui pouvaient, à partir de 2019, relancer le jeu. Et dès juste que tu le lances, tu as le petit succès Steam qui apparaît. Bravo, tu n'y as pas joué pendant 5 ans. Ce succès peut marcher sur tous les jeux, moi perso. C'est joué une semaine et après, je n'y touche plus pendant l'intégralité de ma vie. Mais c'est toi qui me l'avais dit sur Twitch, non? Non. Ah non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit la même chose quand je jouais à The Long Game. Toi, Morgane, tu. Tu game? Est-ce que tu game? Non, mais est-ce que tu te verrais lancer, si ce n'est du Twitch, en tout cas, peut-être, parce que j'ai vu que tu participais à plein de podcasts, et à chaque fois, c'est un bonheur de te recevoir en plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais lancer, toi, de ton côté, ou est-ce que justement, non, t'aimes bien être invité? Pas du tout, déjà, parce que c'est énormément de taf, en fait. C'est comme, tu sais, j'avais un moment, un plateau d'humour, il y a très très longtemps, j'avais monté mon plateau de stand-up, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais y participer, mais alors l'organiser, le programmer, mais c'est, vous avez fait un... Et moi, Twitch et tout, le stream, c'est un truc que je connais très très mal, et ça me fait vraiment envie, mais ça a vraiment l'air hyper précis, quoi. Ouais. Hyper précis d'organisation, de boulot, de... Et je pense que je le ferai pas bien. Ouais, c'est moi, c'est le direct, hein. C'est con, hein, mais moi, c'est vraiment ça qui me terrifie, quoi. Ah ouais, le fait de. Ouais, Floodcast, on l'a jamais fait sur Twitch ou quoi, parce que je déteste le direct. On l'a fait au Bataclan. Oui, mais c'est devant des gens, c'est sur scène. Qu'est-ce qui te fait peur, c'est que ça. J'aime pas le direct, okay. j'aime pas les. Pourtant, quand on fait un Floodcast, je coupe pas grand-chose, mais le fait de parler avec des gens qui te regardent, j'ai l'impression que tout est. Peut être ressorti, tout non, peut oui, être oui, enregistré. C'est ça, et ça, moi, ça m'angoisse, et du coup, je suis pas serein. Ah, c'est juste oui, parce un que truc. C'est vrai que là, tu peux gommer les dérapages. Là, ici, je le fais à peu près chaque semaine, bah, voilà. Patrick. Oui, toutes tes sorties, bah, oui. Patrick, on les a coupées. J'espère bien, j'espère bien. Faut pas me faire cancel tout de suite. C'est ce qui fait que t'es encore là, Patrick, je te rappelle. Non, mais c'est vrai qu'on était sympa. L'épreuve du direct en ce moment est compliquée. Il faut vraiment avoir ce truc. Toujours avoir deux trois phrases pour désamorcer derrière. Toi, des fois, quand sur France Inter, je pense, tu t'es stressé un peu en écrivant en disant celle-là, j'espère qu'elle va passer. Je me suis pas nécessairement stressé sur des vannes, je me suis stressé sur des snipes. Ouais. Où moi, il y a des trucs qui me font énormément rire et que je sais ça va faire énormément rire Daniel ou des gens autour de la table et je me dis, mais oh, putain, on pourrait tellement me tomber dessus 162 fois pour ça. Et heureusement, le public. Voilà, c'est pas le public d'une matinale, hein. C'est 11h, midi et demi, les gens sont assez bienveillants, tu vois, mais t'es là, putain, c'est un petit peu compliqué. Alors, honnêtement, je suis une nana, donc on me tombe dessus moins facilement. C'est-à-dire que moi, si je dis un truc super misogyne, je peux toujours désamorcer en disant, mais c'est 8e degré, parce que évidemment, je ne pense pas. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un peu compliqué. J'en parle avec des potes humoristes, mec, c'est. Un peu, c'est chaud, t'as beau te dire oui, tu le mets dans la bouche d'un personnage, donc c'est jamais ce que tu penses, machin. Putain, vraiment. Non, on dirait, et puis France Inter, disons que c'est écouté, quoi. Non, mais c'est marrant quand je fais. Honnêtement, il y a des vannes que j'enlève évidemment parce qu'elles sont trop méchantes sur l'invité. Bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Parce que l'exercice femmes, est particulier. Les femmes sont largement plus privilégiées que les hommes. C'est ça, de manière, je suis vraiment d'accord avec toi. De manière générale. Est-ce que t'as bien fait de lui couper la parole pour le dire? J'ai coupé la parole à toi. Est-ce que t'as déjà eu des petits malaises avec des invités, justement, où tu voyais que la vanne était très mal reçue? Sans dire de nom. Oui, ou en disant un nom. Oui, et je répliquerai bien sûr derrière. J'ai déjà eu des malaises. Mais en général, je me permets la vanne qui fait un peu mal sur des invités, sur des grands noms. Ouais. Parce que on s'en fout. Parce que Isabelle Huppert, si je l'ai, ou Depardieu, si je le trash, il s'en fout. Ah, je pense qu'il s'en fout. Mais sûr, tu vois, si un mec qui a fait un ou deux films. ouais. où le film ouais. est un peu, tu vois, je sais, et en fait je me le permets avec les humoristes. Ouais. Je sais que j'avais fait une vanne à Jonathan Cohen. Ouais. Et enfin, je sais plus ce que c'était, mais c'était, et je m'étais, j'avais peur, et je m'en rappelle parce que c'était genre la troisième semaine. Ouais. Et je sais plus, il y avait un Marine Le Pen avait dit un truc, et la vanne c'était un truc du genre, oui, bah, on tape beaucoup sur Marine Le Pen, mais quand même elle a pas joué dans Premières Vacances. Ouais. Et tout de suite, et lui, la vanne le fait rire, ouais. mais tout de suite il pense au réel. Ouais, bien en sûr. Disant, ah, mais c'est un excellent film. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, ouais, mais en fait. Donc lui il ouais. a hyper bien pris, mais sur des petites vannes comme ça, tu vois, je sais que je tape vachement sur Christian Clavier, sur Franck Dubosc, parce que ouais. c'est du name dropping gratos qui moi ouais. me fait rire. Ouais. Et tu fais une quotidienne, faut le dire aussi. C'est, ouais, y a, c'est moment, tous les jours tu dois trouver 5 minutes de ouais, vanne. Et puis, tout, et puis c'est un peu chiant de toujours se taper dessus. Je pense que je ouais. le fais assez. C'est bon, on a ouais. compris que on oui, tape oui. sur tout le monde, mais avant tout celle que je déteste, celle que je critique, c'est moi. Il y a un moment, je vais pas souligner ce truc. Non, mais alors je trouve que tu le fais de temps en temps, c'est cool, c'est oui, très bien, voilà, ça, mais c'est tu marrant. Tu peux pas toujours dire, mais je suis grosse, et bien j'ai pas de mec, et bien je suis gras, tu vois, c'est un moment, ça va quoi. Mais oui, oui, bien sûr. Mais c'est marrant parce que quand je faisais des petites recherches pour préparer l'émission, je suis tombé sur un article. C'est toujours les articles qu'on fait des caisses. C'est la blague de Morgane Cadignan ne passe pas auprès de Nagui. Sur Michael Schumacher. Sur Michael Schumacher. Par exemple, Michael Schumacher a une crêpe. Il a une crêpe. Mais je sais même plus la blague. Mais c'est surtout que Nagui, vraiment, tout, l'article, oui. c'est fait. C'est... Bon, après, Télé Loisirs le lâche pas. Hein, oui, oui. Je fais une blague. Et il fait juste, oh non, là tu peux pas. Mais voilà, pour relancer. Ouais. Et vraiment, il y a d'accord. eu 15 articles sur Nagui ouais, recadre ouais. une de ses chroniqueuses. Et moi, vraiment, j'ai toute ma famille qui m'appelle, mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. là, mais vraiment rien. Mais il peut ouais. pas plus s'être passé rien que ça. Ouais, on quoi. Imagine le journaliste de Télé Loisirs ou l'acheter un article. Ouais, voilà. Voilà. L'acheter un truc. Apparemment, mon article sur Super Papy n'est pas passé. J'allais là... dire. Oh là là, mais on est potes. Une question, pardon, excusez-moi. Pour Julien, est-ce que tu comptes reprendre ton podcast C'est sa bosse, ou alors est-ce que tu es content d'avoir fait les épisodes? Déjà c'est alors j'en peux expliquer ouais, expliquer j'en ce que parlais, c'est oui ouais. oui j'ai fait ça l'année dernière, il y en a eu 5. Quel concept est-ce qu'on peut dire aux gens? Et ben c'est des discussions de 2 heures avec des invités en général qui tournent autour de milieu YouTube, stream, etc. ouais. sur le monde du travail, donc en général sur ce qu'ils ont fait comme petit ou moins petit boulot avant. Et voilà, des discussions sur la difficulté que c'est, que peut être le monde du travail, voilà, de l'exploitation. C'est un podcast de gauche, hein. Oui, voilà, tu sais, c'est pas un gros mot ici. Ah, hein. c'est un podcast qui quand même se positionne plutôt contre l'exploitation salariale, ouais, en fait. Bien sûr. Ah ouais. Ouais. Ouais, un petit peu. Et donc voilà, donc oui, c'était de, voilà, discussion de 2 heures. Il y a eu, j'avais fait le premier avec Usul, et il y a eu des gens. Il y a eu Angle Droit, qu'on a reçu ici aussi. Queen Apple, montée de la chaîne Linguisticae. Ouais. Il y a eu, alors, il y a eu. Zemmour, surprenant ouais, quand aussi. Même. Bon, voilà, une petite erreur qu'on me reproche un peu trop souvent. non, il y a eu, parce que le dernier, c'était Bolchegeek et je ne l'ai jamais mis sur les réseaux parce que. Je procrastine depuis 6 mois. Très bien. Bon, voilà. Bolchegeek, très on a bonne envie de YouTube. Te dire, c'est ça, bosse sur ton podcast. Allez, c'est vrai que je devrais bosser là-dessus. ouais. Non, mais il faut. Voilà, j'ai toujours pas fait le montage. D'accord. Mais c'est le dernier épisode. Et à la question, est-ce que je compte le reprendre? Si je le reprends, ce sera pas sous cette forme-là. Alors, ça se mélange aussi un peu avec ce que j'avais dit avant sur la chaîne Twitch. C'est que pour l'instant, j'ai pas envie de me lancer dans un gros projet qui va me prendre du temps, etc. J'aime bien là actuellement vraiment être détente déjà. Ouais. J'adore. Et puis et puis je travaille à côté. Enfin, je suis technicien intermittent sur des trucs que j'expose pas du tout. Bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie. Hein, pas du tout avec mes activités sur Twitch ou autre. Et donc pour l'instant voilà, j'ai un rythme qui me va bien, mais peut-être que plus tard je relancerai ça sous une autre forme. J'aimerais bien j'ai déjà des idées de peut-être ne pas recevoir une personne mais plusieurs, sinon oui, c'est de, cool. voilà, de virer sur autre chose. Je sais pas encore sous quelle forme, mais c'est un sujet de toute façon qui m'intéresse énormément, le travail, tout ça, enfin ouais. en général quand on parle, pour la grande majorité des gens, quand on parle des petits boulots du début de carrière, c'est souvent des mauvais souvenirs. Mmh. J'ai remarqué ça à peu près. Et je me dis, c'est pas normal que ce soit des mauvais souvenirs pour tout le monde. Et on le prend comme un passage obligé de la merde. Bah oui, j'ai récuré les chiottes et mon patron c'était un connard. Bah normal. Bah non, en fait. Vraiment, ça devrait pas. Et donc, c'est un sujet qui m'intéresse et j'aimerais bien refaire des trucs autour de ça. Ce serait bien, parce que vu qu'on se tape que des podcasts sur justement, faut se donner, faut se tuer à la tâche, parce qu'il y a que comme ça qu'on réussit. Il y avait un peu aussi, effectivement, une contre-proposition de ça. Ah, c'est cool. Et il faut aussi gravir des montagnes, traverser des océans, devenir extrêmement musclé. Enfin, c'est sûr. En ce moment, on ne se muscle pas, Adrien, on établit une transformation physique. Oui, pardon, c'est la nouvelle façon de parler. Une question pour Morgane. Quel est le meilleur compliment qu'on pourrait faire par rapport à ton stand-up? Que c'est drôle, que c'est original, que c'est intelligent, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Que c'est toi, peut-être. Au final, c'est toi. Ton spectacle, tu joues au Métropole, jeudi, vendredi et samedi. Samedi à 20h10. À Paris. Et que tu reprends en tournée. En tournée très bientôt. Dans toute la France, enfin, les grosses villes de France, de janvier à juin. Tu vas bientôt te taper les. Et pourquoi tu passes pas à Nantes? Mais déjà, j'ai fait le poste il y a 2 heures et déjà. et sinon, au Métropole jusqu'au 18 décembre. Et le meilleur compliment, non, mais que c'est. Que c'est bien écrit, parce que moi c'est ce que je dis à chaque fois, mais je me sens plus auteur, l'écrit a une place plus importante que la scène et que le côté comédienne et que le côté parler dans un micro. J'avais envie de dire des trucs et de faire des blagues, il se trouve que par un tas d'accidents et d'alignements de planètes, ça ait fini sous la forme d'un stand-up, mais ça aurait pu finir sous des tas d'autres formes, chroniques, etc. Le meilleur compliment, c'est que les gens se sentent un peu moins seuls. En fait, ce qui est génial, c'est quand t'es sur, enfin, quand il y a des salles bien complètes et que les gens, du coup, il y a du monde et il y a une belle émulation, ça rigole, il y a une bonne ambiance, les gens, du coup, se permettent un peu de parler. Parfois c'est chiant, mais parfois c'est cool. Et par exemple, samedi dernier, il y a à 4 ou 5 reprises, 4 ou 5 personnes différentes, tu te dis un truc et t'entends juste un petit j'avoue. Et ça, c'est assez cool parce que quand c'est sur des sujets. Un peu les angoisses, la dépression, la mort, entendre quelqu'un qui te lâche un petit il est de ouf. Tu vois, ou quelqu'un, un mec, et le plus beau compliment, c'est un mec qui tape les côtes de sa meuf en disant ouais, c'est trop ça. Parce que j'ai vraiment essayé de faire un truc qui pouvait. Enfin, un spectacle le moins genré possible, et je voulais pas vraiment que les nanas traînent leur mec par la manche en disant mais si, tu vas voir, allez, on fait 1h30 pour moi, et tu vas voir, c'est drôle. Et j'avoue, les compliments d'hommes qui me disent qu'ils se sont reconnus et que c'est cool, ça me rassure sur le fait que j'ai pas écrit un truc trop girly que sur Tinder et les premiers rendez-vous et les règles, et parce qu'il y a des gens qui le font extrêmement bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Donc, non genré et bien écrit, c'est un bon compliment. Après, si vous avez envie de m'envoyer des DM en me disant que je suis lumineuse sur scène, allez-y. faut surtout pas vous gêner. Franchement, vous arrêtez jamais. Le bouche-oreille, c'est important. Laissez une critique sur Billeréduc. La critique sur Billeréduc. Le théâtre a beaucoup souffert. C'est gentil. Non, cela dit, on le dit en blague, mais c'est bien de le rappeler parce qu'il y a des soirs où c'est galère. Les salles se remplissent mal. Mais non essentiel, je rappelle. Mais pour tout le monde, c'est pour ça que moi j'ai des potes qui m'ont dit, mais putain. Pourquoi tu vas pas faire de la promo au télé? Alors, je vais t'expliquer la hiérarchie de la notoriété. Parce qu'en fait, j'ai demandé, la télé a dit non, c'est bon, t'inquiète, merci. Non, mais c'est que là, tu vois, chez les Ruquier, dans les grosses émissions de promo, t'as des têtes d'affiches qui viennent, ce qui n'était pas le cas avant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, leur salle, Arditi faisait une pièce. Arditi au théâtre, les gens y allaient. Même des mecs qui sont obligés d'aller faire de la promo. Donc pour nous, qu'on paye une notoriété dingo, je te laisse imaginer. Il y a le Floodcast. Venez nous voir au Floodcast. Patrick, aimerais-tu lancer un format podcast pour nous conter tes belles histoires? Alors c'est rigolo quand même, parce que toi, faut le dire, du podcast, t'es un peu un précurseur. Tu en faisais before it was cool, j'ai envie de dire. Ouais, ça s'appelait la radio à l'époque. Pour les plus jeunes, vous avez oublié. Oui, moi j'ai commencé par la radio il y a une quinzaine d'années, et en fait avec Twitch j'ai retrouvé un petit peu justement ce frisson du direct, parce que moi ce serait plutôt le contraire de ce que tu disais tout à l'heure. Moi ce qui me plaît, c'est justement le live, quand tu sais pas ce qui va se passer, quand t'es un peu sans filet, il y a un petit frisson. T'es un biker. Je suis un aventurier des ondes. Il y a un petit frisson qui n'est pas là quand tu enregistres. Et tu t'emmerdes là. Moi, non, là, pas du tout. Non, non. Alors, évidemment, c'est y a super. Pas le frisson, quoi. C'est super pour d'autres raisons. Mais ouais, quand t'es en live, il y a ce petit truc sans filet qui fait que bah, voilà, tout peut arriver. Ouais. Et moi, j'aime bien ça. Ça me motive pas mal. Et avec Twitch, il y a un peu ça. Du coup, tu te mets un peu en danger. Tu vois, il faut que ça fonctionne tout le temps. Donc, parfois, voilà, il y a des ressources que tu ne soupçonnes pas qui se manifestent par le direct. Donc, j'aime bien ça. Et pour les podcasts, ça fait pas mal de temps que j'y réfléchis. J'adorerais en faire un. Alors j'avais un truc sur SoundCloud qui s'appelle Les Histoires de Nuit, où c'est des lectures en fait de nouvelles fantastiques et tout ça. Et en fait, je voudrais pas. C'est ce que beaucoup de gens disent. Je voudrais pas faire un podcast pour faire un podcast. Mmh. Donc si j'ai une idée qui me semble bonne, je le ferai sans doute. Mmh. Mais j'y réfléchis. Ouais. Tu trouves le bon concept, quoi. Ouais. Tu trouves le bon concept. Tout à fait. Une question un peu pour. Juste, on avait un projet de podcast. Et c'est vrai. Et maintenant, justement, je me disais. Avant le podcast. On peut le faire parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font des podcasts à distance. Mmh. Et peut-être que maintenant, on pourrait le faire. On pourrait. Non, mais moi, je suis toujours partant. Moi, je suis du côté d'Avignon. Donc, c'est pas la porte à côté. Mais. C'est... Non, pas... enfin, pardon, ça, vraiment, ça n'a pas intéressé les gens. Allez, du tout, allez. Mais mon frère, qui a 20 ans, envisage de devenir conteur. Et d'accord. Ce qui est extrêmement flou pour moi, parce qu'il est plutôt du côté conteur. Il part dans la forêt faire des jeunes et à Avignon. D'accord. Donc, c'était pas avec toi. Ben parce on que va, toi, non, t'es plutôt conteur en ligne. Oui, c'est ça. Ouais, tu bois pas de la bière chaude avec des jeunes adolescents. Non, c'est pas mon délire, mais on pourra en discuter. Mais on pourra en discuter juste après. Une question un peu pour tout le monde. Pourquoi alors, bon, c'est surtout pour des gens, j'ai l'impression, comme Adrien ou Patrick, mais pourquoi les collectifs, à votre avis, ont cartonné il y a des années et on le voit de moins en moins? Alors, c'est l'avis de l'auditeur. Pour toi aussi, du coup. Hein pour oui, moi aussi. Cela dit, moi, je ne suis pas vraiment en accord avec on ce que tu dis. On parle du collectif métissé, on est d'accord. Pourquoi Patrick et Adrien ont fait partie du collectif métissé alors qu'en soi, bon. La récession de la Zumba, quelque chose de terrible. Le confinement a tué le collectif métissé. Non, mais voilà. Puis on ne peut pas la jouer carpe diem toute sa vie. J'ai plus l'âge de la jouer carpe diem du tout. Voilà, j'ai des responsabilités maintenant. Non, mais c'est vrai que je suis pas vraiment d'accord avec ce truc-là. J'ai l'impression que les collectifs sont toujours beaucoup là. Toi, Patrick, tu fais le Vortex. Exact. Tu as participé. C'est vrai, ouais. J'ai tourné le dernier la semaine dernière. Voilà, et on peut expliquer ce que c'est le Vortex. C'est Le Vortex, c'est une émission de vulgarisation dans laquelle il y a 4 personnes, en général 4 vidéastes, qui doivent réaliser 3 vidéos pendant 15 jours, donc c'est de vraies colocations. Pendant 15 jours, toutes ces personnes vivent ensemble et doivent écrire des vidéos et doivent aussi écrire des collaborations. Donc il y a beaucoup d'interdisciplinarité. C'est souvent des spécialistes dans un domaine qui présentent des vidéos liées à leur sujet de prédilection. Bien sûr. Et donc là, moi, j'ai participé à la 2e saison du Vortex. Très bien. C'était avec Manon Bril, Christophe de la chaîne Hygiène Mentale et Léa Bello. Et là, donc, je viens de participer à une nouvelle saison qui ne sera pas diffusée avant le mois de mars. Ce sera la 6. Là, il y a la 5 qui est sortie. Qui est en cours de diffusion. La semaine dernière. D'ailleurs, elle a commencé la semaine dernière, la nouvelle avec saison. Avec mon frère, notamment. Frère d'Adrien, dedans, absolument. Et il y a Angle Droit aussi. Enfin, il y a plein de gens qu'on a reçus ici qui ont participé à ça. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a pas mal de fiction. Ouais. Donc, il y a des gens qui le déplorent, qui voudraient que ce soit un immense de la vulgarisation, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait parce que l'équipe est top. Ouais. Donc, c'est l'équipe de Ness Blog. Bien sûr. Très, très bon. La mafia Ness Blog, rappelons-le. Absolument. Bien sûr, la bien nommée. Donc, moi, je trouve que la fiction est très, très bien gérée et voilà, je suis content que ce concept fonctionne bien. Mais c'est vrai que le côté collectif, voilà, même toi, Julien, quand tu faisais un peu plus de stream, non, t'as pas fait partie d'un collectif, mais quand tu faisais des géoguessers, des choses comme ça, on retrouvait les mêmes têtes. Et les gens aiment ça. Les gens aiment voir des groupes de gens. Mais je pense que la question elle porte sur des collectifs du genre Sud de Bagel, Golden Moustache, peut-être, etc. Mais ça permet d'ouvrir, c'est intéressant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à sa question, je pense qu'en vrai, juste il se trouve que des collectifs sous cette forme-là, c'est pas rentable en fait. Enfin, c'était trop dur de faire de l'argent sous cette forme-là. Donc, ces collectifs-là, au moins dans un premier temps, enfin maintenant ils n'existent plus, ces deux collectifs-là. Ces deux-là n'existent plus. Mais ils se sont ensuite, dans un deuxième temps, tournés vers la production et pas vers un truc de chaîne YouTube machin parce que c'était pas rentable. Ils n'arrivaient pas à Oui, non, c'est pour ça que ça existe plus, je pense. Mais il y a, le monde à l'envers, non, qui est un collectif. Ouais, c'est un binôme avec plein de gens. Ils sont deux. Ils sont pas vraiment deux. Il y a de la prod, mais enfin, il y a de la prod, voilà. Non, mais bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, c'est oui. Et il y a Timothée, il y a Pastor. Une petite équipe, c'est par rapport à Golden Moustache. Mais en fait, je voulais ouvrir un petit peu. Vas-y, pardon, Julien. Non, non. Ils sont indépendants. J'ai l'impression que ça existe quand même toujours, mais sous d'autres formes, pas avec un nom, une chaîne. Mais je sais pas. Je pense à tous la bande du YouTube. Genre Michou, Inoxtag, ces gens qu'on voit tout le temps ensemble. Ouais, bah là, et voilà, sur Twitch, il va y avoir les personnes qui font le géoguesseur d'Antoine Daniel le dimanche, où ça va être un peu tout. Voilà, ça, exactement. Tout, ouais. Ouais. On voit des bandes, des gens que le public aime avoir ensemble, se retrouver, interagir. Après, il n'y a plus cette mode un peu du ah bah nous, on s'appelle les trucs. Oui, c'est voilà, ça. Quoi. C'est ça. C'est un beau nom pourtant. Oui, c'est ça, les trucs. C'était le premier nom de Golden Moustache, les trucs. Et c'était mieux. Ouais. C'est des structures qui sont complètement différentes, quoi. Ouais. Genre, tu vois, on parle de Inoxtag, Meshu et tout, bah ça marche sur des placements de produits, ça marche sur des trucs comme ça. Bien sûr. Alors qu'à l'époque de Golden et tout ça, si tu faisais un minuscule placement de produit, tu te faisais défoncer dans la bouche. Ouais, terrible. Et donc il fallait trouver d'autres moyens de faire de l'argent, et puis ça marchait pas, quoi. Mais c'est vrai donc que c'est rigolo. C'est pour ça que ça existe plus trop, quoi. Il y a quand même un vrai kiff des gens, je trouve, c'est rigolo, à ce côté sitcomesque des créateurs, quoi, parce que on retrouve les mêmes bandes et puis ils ont leur petit running et tout. Toi, t'as un peu ça avec Fanny Ruet aussi, j'ai l'impression. Ouais, il y a un fan club ça. Qui est en train de se créer mais autour de Morgane et Fanny. Vous êtes les vamps, hein, pour moi, Morgane. Les gens sont liés d'amour pour cette amitié, mais ce qui nous fait extrêmement plaisir. En bien plus, sûr. Bruxelles, c'est une petite ville, donc parfois on croise des gens et puis on aime bien marcher comme elle est. Comme c'est quelqu'un d'extrêmement petit, je sais pas comment le dire, mais en fait c'est hyper hyper agréable de marcher en mettant son bras par-dessus son épaule et vraiment. C'est C3PO et R2D2. Exactement. Et dans la rue, t'entends vraiment des. Je te l'avais dit, elles sont ensemble. Je ne sors pas. Je ne suis pas dans une relation d'amour avec Fanny Ruet, même si c'est une relation d'amour, elle a une meuf en plus, donc faudrait vraiment pas brouiller de piste. Mais non, oui, c'est vrai que les gens aiment bien ce. C'est ce truc de voir des familles mais c'est partout parce que ensemble. Tu regardes même dans un autre esprit, enfin il y a nous, j'allais dire il y a nous et touche pas mon poste. Kian et Navo, Kian et Navo. Non mais c'est ça. Mais oui, mais les gens adorent les amitiés. Et vous, je pense que les gens adorent votre complicité. Je le dis au premier degré. Mais il y a sûrement un peu de ça. Il y a sûrement un peu de ça. Bah, ils adorent quand on sent qu'elle est pas construite. Oui, c'est ça. Tu vois. Alors qu'à la base, on se connaissait pas avec Adrien. Ou Dedo, Yacine, par exemple. On aime le fait qu'ils s'aiment. Ouais. Oui, c'est ça. Mais avec Adrien, notre amitié est quand même sponsorisée par FreeNow. Oui, voilà. Et avec le code promo, je vous rappelle. Une dernière question pour Morgane. Morgane, quand on a bossé dans la. Je sors pas avec Fanny. Quand on a bossé dans la pub, alors quelqu'un qui te connaît bien, visiblement, quand on a bossé dans la pub, est-ce qu'on sait mieux faire sa propre pub? Et t'as deux heures, tu nous diras qu'est-ce que l'audace après. Non, bah absolument pas, parce que bosser dans la pub, ça veut dire quand même sortir des concepts pour des marques. Et moi, j'écris bien des signates. J'étais concepteur rédacteur, et c'est du coup, tu bosses en binôme avec un directeur artistique qui est sur l'image. Et moi, mon expérience dans la pub, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions interminables pour Disneyland, à savoir si on met extraordinaire ou merveilleux. dans la phrase. Merveilleux. Et ils ont fini avec clairement magique. Merveilleux. Ils ont fini clairement magique. Et on l'avait sous le nez depuis le début. Donc non, tu fais pas ta propre pub. On le sait, il y a rien de plus horrible que de faire son autopromo. Hein. Bah surtout, j'ai l'impression dans le stand-up, du martelage, à part dire à quelle heure tu joues, quel jour. Non mais choisir l'affiche, le machin. Nous, je coécris avec Baptiste. Oui, bien sûr, mais c'est quand même un travail. Moi, je coécris avec Baptiste et il a fallu rédiger le petit texte de flyer / billet réduc. Juste ça, c'est relou en fait. Puis pas tomber dans la grosse ringardise. Pas être ringard, donner envie, mais en même temps pas trop spoiler ce dont tu vas parler. Pour est-ce pas... que je parle à la première ou à la troisième personne? C'est ça. Est-ce que sur l'affiche, je lève mes mains comme ça en faisant j'ouvre une la grimace? Et puis les gens un peu. Parce que là, on se parle quand même de gens un peu dans des milieux similaires. Ouais. Entre gens de milieux similaires, mais il y a des gens, moi, qui me posent des questions hyper néophytes et hyper innocentes. Et la question qui revient tout le temps, et j'avoue qu'ils rend un peu ouf, c'est. Et du coup, c'est quoi ton genre de scène? C'est quoi ton genre d'humour? Et tout de suite, et en général, la deuxième partie de la phrase, c'est humour noir, un peu Blanche Gardin. Ouais. Parce qu'en fait, est-ce les gens disent, c'est quoi ton genre t'es Blanche d'humour? Blanche Gardin ou Marina Rollman? Exactement. Parce que les gens parlent de genre d'humour en ne connaissant qu'un genre, finalement, qui est l'humour noir. Bien sûr. Donc, si c'est pas ça, c'est... bon, tu vas c'est Monsieur Fraise. Ah, pas de l'humour, pas de l'humour. Ouais, non, mais c'est fou, tu vois. C'est, et là, tu, quand tu parles d'absurde et tout, c'est déjà, on, ça commence à arriver dans la tête des gens, la différence entre un spectacle à sketch et du stand-up. Oui, oui, oui. Donc, ouais. Alors, là, parler de. Tu vois, moi, je cite tout le temps Yacine Bellous en absurde et tout, et après, les gens vont voir Yacine. Ils disent, oh, mais c'était pas tant absurde, parce que oui, bah non, il a pas pris un fauteuil, il a pas chié dessus, il a pas lancé. Non, ça c'est le prochain spectacle. Il fait pas du Jackson Pollock en live, c'est hyper dur à expliquer le stand-up, donc ouais, faire ton auto-promo, t'es juste là, écoutez, c'est 20 balles, c'est 1h10. C'est 20 balles, c'est 1h10. C'est deux maxi best-of, franchement. Ton avis, peut-être. Et puis il y a des tonnes de vidéos. De toute façon, la meilleure promo, c'est de mettre des vidéos. Toi, ouais. Cela dit, il y a la radio, c'est vrai. Il y a les chroniques, c'est pas génial, la même chose. Mais c'est génial. Bon. Moi, j'ai même pas à faire ce truc hyper laborieux de découper un bout du spectacle, le sous-titrer, le mettre avec une sur Insta avec en bonne sous-titres. Qualité. Ouais. Ça va, je suis un peu épargné de ça, heureusement. Ouais. Ouais. Vous, ça va, vous arrivez à faire votre auto-promo dans les trucs? Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même dans des métiers, quand par exemple on vient d'internet, nous, avec Adrien, et quand d'un coup tu dois faire de la BD, t'as tellement eu, je parle pour moi, quand j'ai fait ma BD, ce truc de, oui, j'ai eu l'habitude un peu de me promouvoir via les réseaux sociaux, et d'un coup, c'est rigolo, les gens, même te disent, vas-y, tu sais faire, visiblement, tu sais parler de ce que tu fais. Est-ce que toi, du coup, tu par exemple, Patrick, tu travailles avec des gens, ou est-ce que tu dis, non, je sais exactement à peu près ce qui va plaire à mon public, entre guillemets? Ouais, je compte quasiment que là-dessus, moi. Quand il y a un nouveau bouquin qui sort ou quoi, je sais très bien que ce qui va faire vendre le bouquin, c'est d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en parler sur ma chaîne. Et donc, les éditeurs, forcément, veulent aussi participer à tout ça, proposent des campagnes, etc. Mais dans ma tête, je sais très bien ce qui va avoir un impact. Et là, justement, j'en parlais récemment avec l'équipe de com de d'un de mes éditeurs. Et ce que je leur ai dit, c'est écoutez, franchement, ce qui marchera le mieux, plutôt que d'acheter un encart de pub dans tel ou tel magazine, c'est vraiment de faire une vidéo qui dure une minute et de la mettre sur ma chaîne. Ce qui est cool, c'est que tous ces gens-là se sont un peu adaptés et voient qu'aujourd'hui, ça fonctionne différemment, que les canaux les plus porteurs ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc oui, moi, vraiment, je compte quasiment que là-dessus, quoi, que après, sur les réseaux. Après, en fait, tu refidélises et tu tiens au courant ce que tu fais de ton public. Ouais. Après, ce qui est compliqué, c'est pour aller chercher un nouveau public qui te connaît pas et qui est pas acquis à ta cause, là, enfin, à part passer par un média, franchement. Oui, c'est ça, faire ta promo ailleurs, quoi. Y a une question quand même qui fait rire, je l'attends, écoutez. Quelqu'un qui se demande, quelle est chacun d'entre vous votre plus grosse bêtise? Ça me fait rire, la phrase gros bêtise. Personne à 8 ans. Non, vrai plus regret, truc. Moi, c'est d'avoir posé cette question, peut-être. Justement. Mais je peux la couper. Oh, je m'en joli. Fous. Moi, j'en ai une à laquelle je pense quand on me pose cette question. Je la regrette pas parce que c'est pas grave. Genre, je me dis pas à refaire. Jamais je la referai. Soit tu réussis, soit t'apprends. Ça a eu aucun impact dans ma vie. Non, mais c'est une connerie de collège. Au collège, j'étais un petit rigolo. Je ne pensais qu'à faire des blagues, à inventer de nouveaux trucs pour faire marrer les gens. Celle-là était pas ouf. En fait, dans la cour, il y avait une espèce de mur à côté d'un grillage et j'avais trouvé une espèce de gros morceau de métal assez lourd. Mais un truc vraiment qui tient même pas dans la main, qui est un peu plus gros que ça. Ça part en meurtre. Alors justement, surinage. Non, c'est... En fait, je faisais des conneries, mais qui j'étais pas violent ni inoffensif vraiment. Des pranks. Mais c'est exactement ça. C'est exactement un prank. Mais j'étais, je sais plus, en cinquième, je pense. Ouais. Je trouve ça et je le mets dans mon sac et je me dis, oh, il y a une bêtise à faire, je trouverai. Le brainstorm investi, quoi. Ouais. Ça me fait rire. Et puis à un moment, je suis dans un cours qui était c'était une prof où son cours c'était habituellement un peu le bordel, tout ça parlait fort, il y avait souvent jamais c'est de silence, de la techno, tout ça sûr. Quoi. C'était de l'histoire géo. Ah bah tu vois. En l'occurrence. Okay. Et voilà. Et puis je sors ce truc. Et puis d'un coup, alors qu'elle écrit au tableau, je le fais tomber moi-même sur ma propre table, donc ça fait un immense bruit. Et juste après, je me tiens la tête en me disant aïe, oh, aïe, le prank, comme ça, le prankeur. Voilà, bon. Et comme si quelqu'un me l'avait envoyé et que je m'étais pris un truc énorme clairement dans la qui gueule. Aurait pu me tuer dans la gueule pendant un cours. Et je sais même pas ce que j'imaginais comme, comme suite à cette blague. Bah, que toute la salle se lève en disant voilà. Putain, mais voilà, Andy Kaufman. Pas du tout. Pas du tout. Et non, non, c'est-à-dire que instantanément. Que Nagui t'appelle en numéro masqué. Tu viens me faire ça, voilà. Sur France 2. Je t'engage. Non, non, c'est-à-dire que la prof s'est tournée, a fait qu'est-ce qu'il y a ? Et je fais, je sais pas, j'ai reçu ça sur la tête. Elle attrape le machin, elle sort de la salle sans rien dire. Et il se passe rien pendant 5 minutes. Là, je me liquéfie complètement. Puisque c'est ensuite. Les autres de la classe ont capté que c'est toi qui l'as mis. Pas vraiment, parce d'accord. que c'était le bordel. C'est-à-dire que, ouais. en fait. Tout le monde était dans le flou, quoi. Je, crois, ouais. je devais avoir 2-3 potes autour qui savaient la blague, mais les gens qui étaient un peu plus loin ne savaient pas qui l'avait envoyé. L'excellente blague. Voilà, quoi. Et en fait, 2 minutes plus tard, la porte se rouvre avec la prof, la CPE et la principale. Oh, 3 keufs. Voilà, avec donc la CPE qui a le morceau de métal dans sa main et qui dit alors là ça rigole plus du tout. Enfin, non mais dans le sens où il y avait déjà eu des histoires dans cette salle parce que c'était le bordel, elle avait même été déplacée plus proche de la vie scolaire. Oh là là, voilà. Elle fait là par contre ça dépasse tout. Julien, t'as reçu ça et moi là je suis dans un mensonge où je sais que je ne peux pas m'en sortir parce que putain, voilà et donc je fais elle fait mais tu ça venait d'où et moi je me retourne et vaguement je fais de par là. Ah là et là en là. Fait je m'en rends pas compte mais en faisant le par là vraiment ma main est vers le gars qui était le plus bordélique, ah, vraiment, oui. la personne oh, qui foutait merde. Le plus le bordel, qui se faisait souvent virer, etc. Oh, donc là. Instantanément ils se retournent, ils font bon bah c'est toi machin, et le gars oh, hurle mais pas du tout machin, tu vois. Et en fait il y a une embrouille comme ça, voilà, moi je dis je sais pas, peut-être ça venait de l'autre, je sais. Vraiment, je m'embrouille dans mon truc comme ça. T'as pas de marque en plus, tout va bien. Oui. Non rien, mais tu vois je me tiens la tête, tout ça quoi. Mais je veux dire, même si ça m'avait raté, si quelqu'un l'avait vraiment lancé, bon, il y a ce motif de renvoi peut-être quand même. Ouais. C'est vraiment un truc qui était lourd. Quand, voilà, ça a fait un bruit d'enfer quand je l'ai fait tomber sur la table. Et puis il y a un moment où il y a un instant de flottement où la CPE menace de punir absolument toute la classe. Si personne sauf toi, du coup, ça qui est génial. C'est vrai que j'aurais pu. Écoutez. Non, et je finis par faire. Non, mais en fait, personne me l'a lancé. Et oh, tout. T'as eu des couilles, moi j'aurais jamais fait ça. Comme ça, mais le truc, c'est que ça faisait vraiment pendant 5 minutes, il y avait un flottement comme où tout le monde se retournait en disant mais allez machin c'est pas possible et mais vraiment enfin, il y avait l'administration face à moi et donc là il y a CPE comme ça qui écarquille les yeux qui fait c'est personne te l'a lancé. Je fais non c'était pas vrai, c'est une blague. Elle fait ok bon tu te lèves, tu viens, et donc on va dans son bureau et déjà elle me repose la question pour être sûr que c'est pas moi qui ai peur. Courir non, tu peux dire que c'était le mec derrière. Et vraiment, c'est sûr qu'ils auraient cru ça. Et j'assure, je dis j'ai voulu faire une blague, c'était stupide, etc. Ouais. Et je m'en sortais avec une petite heure de colle pour le principe quand même. Elle te l'a balancé dans la gueule. Ouais. Disant, voilà, tu vas chialer pour quelque chose là. Connard. Planté. Ça m'a fait les frissons de quand j'étais petit. T'as planté dans l'abdomen. Tiens, voilà. C'est drôle ça ou pas? Mais grosse bêtise. Je pense toujours à ça parce que c'est un truc où je me dis, je pense que c'est vraiment le moment dans ma vie où je me suis senti le plus mal à cause d'un mytho. Où je me dis, il y a pas d'issue possible. Je peux pas avancer. Tu peux rien faire. Pas possible. J'aurais fait semblant de m'évanouir. Ah oui. Ça aurait pu marcher. Je me serais fait vomir. Ah ouais. Comme une buse. Moi j'avais un truc, j'ai vraiment honte d'avoir fait ça, mais non, c'est en gros, j'avais une prof d'espagnol, mais j'étais en cinquième, mais non, espagnol, dans quatrième. Et en fait, elle disait tout le temps qu'elle était allergique à la craie, et du coup, elle envoyait les élèves écrire. Elle disait qu'elle était allergique. Oui, et oui, du coup, elle disait moi je peux pas écrire au tableau, donc elle envoyait les élèves écrire au tableau. Et aussi, elle était un peu méchante et on l'aimait pas. Ouais. Et un jour, du coup, je suis envoyé au tableau. Et bon, j'étais un petit con, voilà. Et du coup. C'est ta grosse bêtise, t'es absurde. Non, mais oui. Et donc, j'écris au tableau et tout, je dis, pour favor, machin. Et quand elle est dos tournée à moi, je prends le truc pour effacer le tableau et genre je fais sur le truc qui est vraiment toute la poussière, le truc qui est sur lequel on pose les craies, où il y a vraiment une, ouais, la poudre de craie, ouais, dessus, donc je fous de la craie partout. Et après, quand elle me regarde, je fais genre eh, si si machin. Et elle est décédée. Et parce que, non, elle a fait une embolie immédiatement. Elle est pas décédée, mais elle est dans un état grave. Non mais à un moment elle a fait désolé, désolé, faut que je sorte. Elle est sortie de la salle et moi j'étais vraiment trop mal, quoi. Donc je me suis dit bon, donc elle est vraiment allergique à la craie déjà. Et elle est allée prendre l'air et elle est revenue. Elle, et donc moi j'ai vraiment, en plus j'en faisais des caisses. J'ai dit, ça va madame et tout. Vous voulez qu'on ouvre une fenêtre et tout. Et, le rebelle nul. Et en plus je crois. Ouais. Non, bah, tu crois que tu vas faire clap du prof. Oh le nul, il a cru qu'il avait tué. Fragile. Fragile. Même pas capable de tuer une femme. Et non, et en plus, je crois que le cours suivant, elle était absente. Et là, je me suis dit, bon, bah, je l'ai tuée tout bonnement. Ah oui, bah oui, là, ça y est. Et en fait, non, elle est très bien, elle était toujours ça n'existe pas d'être allergique à la craie, elle fait son intéressante. Bah, je pense qu'elle était asthmatique ou. En fait, je pense qu'elle avait des trucs de. Si elle en respirait, mais en tout cas. Avec un mettre un masque. Voilà. Allez, la muselière du gouvernement. Donc, je m'en étais voulu. Patrick, non, ça va, un dictat d'école. Oui, donc, je me rappelle que quand j'étais au collège, donc, il y avait une directrice qui était extrêmement sévère. Elle s'appelait Madame Vigourou, on peut le dire maintenant. Oh. Comment ? Vigou ? Vigourou. Vigourou. Vigourou. Un Pokémon également. On la craignait beaucoup, elle était très, très sévère, très stricte. Et pour calmer une classe turbulente, par exemple, les profs avaient juste à dire je vais appeler Madame Vigourou. Et vraiment, les plus durs se calmaient immédiatement. La prof de Mathilda, quoi, un peu en vénère. Voilà. Ouais. Et donc, un jour, dans la cantine, il y a Madame Vigourou qui est là, qui passe dans les allées. Et évidemment, le silence se fait immédiatement. Mais il y avait un gars. Je me rappelle encore de son nom, mais je vais pas le nommer. Et c'était le petit dur, la petite teigne un peu du collège. Et il était un peu fou furieux même d'ailleurs. Et je pense que Madame Vigourou avait dû lui dire un truc du genre calme-toi ou je ne sais pas trop quoi. Et le mec, alors qu'il avait je sais pas 14 ans, il lui a mis un coup de boule. Et je me souviens que c'était le truc le plus fou pour moi, parce que vraiment Madame Vigourou, c'était le boss. Il était un peu turbulent. Le fait de lui répondre déjà, c'était chaud. Et je sais pas, le mec s'est dit, il y a tout le monde qui me regarde, ce sera, je vais sûrement me faire virer de l'école, mais vraiment on en parlera encore. On en parlera encore dans 30 ans. Et c'est ce qui se passe. Parce que c'est genre quand tu connais Madame Vigourou, alors on la connaît pas, mais foutre un coup de boule à une prof, oui effectivement. Et donc il s'est fait évidemment expulser de l'école. Bien sûr, pour des raisons évidentes. Mais c'est vraiment l'anecdote qu'on a répété pendant tout le reste de la légende, parce que c'était fou. La légende, ouais, c'est absolument horrible. Putain, ouais. Et toi, Morgane ? Moi, j'ai une anecdote glauque, mais c'est pas la mienne. Mais sinon, en bêtise, j'ai fait des trucs mignons, mais pas à l'école. Non, l'anecdote, c'est qu'on avait, nous, notre équivalent de Madame Vigourou, c'est Monsieur Stenberg, qui était le principal de mon collège. Okay. C'est hyper triste. Et il gueulait. Qui a fait de bons bouquins. Il gueulait, enfin voilà, vraiment, il faisait la pluie et le beau temps sur le collège. Principal. Et il était assez strict, assez sévère. Le jour de sa retraite, il y a le gamin, le turbulent du collège, qui faisait que des conneries. Et je crois que c'était genre avant les grandes vacances. Donc il y avait une sortie karting ou un truc comme ça. Ouais. Et le mec fait de la merde. Et le principal, le jour de sa retraite, quoi, donc sur la dernière heure de sa carrière, l'engueule tellement fort que ça part en AVC. Oh, il est mort. Oh non. Ah, une grosse bêtise. Là. Oh, merde. Oh, quelle chute. On pourra pas faire mieux. Hein. On peut arrêter la séquence. Quelle chute, c'est ce qu'ils ont dit. C'est vraiment. C'est un moment d'ailleurs. C'est vraiment, c'est vraiment un polar, quoi. Oh, c'est le flic, genre putain, à deux jours de la retraite. C'est ça. Vous voulez trop mieux pour ces. Et nous, on va passer à la dernière. Je suis désolé. Non, mais là, c'est une bonne chute. Oui, sinon, j'ai su un chien. Non, pardon. Je cherche vraiment une petite connerie mignonne à croire. Ne rentre pas sur mon terrain. Les recommandations culturelles. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles pour pas le karting, ça faut vraiment éviter. Non, ouais. Que ça, donc ça peut être ciné, théâtre, cinéma. Non, j'ai déjà dit cinéma. Série, théâtre, théâtre, ciné, série, théâtre, ciné, théâtre, série, jeux vidéo. Julien, est-ce que tu as quelque chose en tête que tu veux conseiller? Ouais. Ben je vais parler de VR. Je suis féru de VR. Oh, voilà. VRman. Voilà. Pour les gens comme ça qui aiment la tech, hein, sans cibler. Non, bah bien sûr. Ouais. Food tech. Mais, parlez de moi. Non, mais j'aime bien la VR. J'ai un casque Oculus depuis un ou deux ans d'ailleurs. On a déjà fait une petite partie avec Patrick. Il faut qu'on se fasse une petite partie à trois. Ça fait. J'ai l'Oculus. Et je rigole. Tu crois que j'ai pas l'Oculus? Je l'ai l'Oculus. Il a tout, toute la tech. Toute la tech est chez lui. Là. Pas grand chez moi, mais c'est bourré de tech. Adrie, toute la tech. Sinon, ta chaîne YouTube de test. y a des petits jeux indés qui sont pas mal du tout en VR. Et je voulais parler d'un jeu que j'ai fait un peu sur Twitch il y a quelques mois qui s'appelle Ancient Dungeon, donc ancien donjon. Voilà, c'est un design très Minecraft et c'est un roguelike. Donc c'est des donjons, des pièces qui s'enchaînent. Et voilà, pour les gens qui ont un casque VR, c'est gratuit. Voilà, ça se trouve, alors je crois que ça se trouve sur le catalogue Oculus, mais sinon ça se trouve sur Steam et puis même voilà, sur des trucs, la plateforme itch.io des jeux indés, ça se trouve aussi. Et très très très plaisant à jouer et vraiment un des jeux les plus beaux. Voilà, c'est des graphismes très Minecraft, mais les lumières sont très bien rendues. Et donc voilà, on a une épée et on se bat contre des machins dans Sublime. Des pièces qui s'enchaînent. On ouvre des coffres, on trouve des objets pour faciliter la progression au fur et à mesure. Et tout est voilà, moi j'aime bien quand c'est bien réaliste et que j'ai vraiment l'impression d'être dedans quoi. Ah ouais. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce jeu, voilà. Donc ça s'appelle Ancient Dungeon. J'ai une question sur le jeu. Est-ce que, parce que moi c'est le point qui fait que je ne peux pas jouer à certains jeux, est-ce que des fois ça avance alors que toi tu es immobile? Ouais, alors, bon. Dégueule directement. Ouais, mais ouais. Alors, il y a des trucs, alors je sais pas si t'as déjà essayé ça, mais maintenant de plus en plus. Tu téléportes là? Alors, non, la téléportation, j'aime pas. Ouais, moi non plus. J'aime pas trop, mais par contre, il y a un système qui fait que quand tu avances. En gros, l'écran s'assombrit tout autour et il y a que ce qui se passe devant toi que tu vois. Okay. Et ça, moi, ça a tendance, ouais. Voilà, c'est-à-dire que ça a bien tendance à atténuer cet effet-là. Et du coup, toujours dans la VR, je voulais adjoindre. À cette reco ma chaîne YouTube préférée qui parle de VR, voilà. Qui s'appelle Cass and Cherry, donc c'est anglophone. C'est une chaîne qui parle de VR qui est tenue par un couple de meufs. Okay. Et donc c'est tellement un milieu qui est tellement masculin que ça vaut la peine d'être souligné. Ouais, voilà, et donc c'est des tests des nouveaux jeux, des petits trucs, des petits journaux de récap des sorties, que ce soit matériel ou des jeux. Et voilà, si vous vous intéressez à la VR. Ça évolue toujours la VR? Enfin, là, on sent que chaque année ça s'améliore. Ça évolue. Je connais rien du tout, moi, pour non, le coup. Non, mais... ça évolue quand même pas mal. Ça a bien pris de l'intérêt, on va dire, là sur ces 4 dernières années. D'accord, okay. Où vraiment avant ça c'était encore un truc vraiment de nerd qui veut tâter de la technologie, qui a pas peur de dépenser 1000 balles dans un truc expérimental qui marche pas de ouf, ouais, ça. Tout ça quoi. Aujourd'hui là, notamment avec la sortie de l'Oculus Quest, c'est devenu quand même vachement plus accessible. Il y a un catalogue de plus en plus fourni, que ce soit sur les grosses productions ou même il y a plein de jeux indés qui existent maintenant, des fois des trucs tout simples mais la bonne idée qui fait que voilà, graphiquement c'est pas incroyable, mais la bonne idée va faire que c'est plaisant à jouer. Même des jeux à la troisième personne, il y en a un que j'ai pas encore essayé mais qu'en plus j'ai acheté, donc il faudrait que je l'essaye, qui s'appelle Fisherman Tale. Okay. L'histoire Patrick d'un pêcheur extraordinaire. Voilà. Patrick vient non, de... parce que je dois dire que j'ai l'impression de m'entendre. Il y a un an, j'étais un évangéliste de la VR. Eh oui. Il y a un an, et je me suis un peu calmé depuis que j'ai un enfant, en fait. Oui, qui t'a pris un peu ton temps. Mais vraiment. Bah, c'est une autre sorte de VR. Ouais, hein. Absolument. Elle est pas virtuelle, hein, cette réalité. C'est peut-être le meilleur jeu vidéo. C'est la vie. Allez. C'est la vie. Ah oui, il y a pas besoin de sauvegarde. Bah oui. Vraiment, ouais. Donc il y a un an et demi, quand j'ai acheté mon Oculus Quest, qui t'en envoie une caisse, hein, parce que là vraiment on a fait beaucoup de pubs. Ouais, qu'ils en envoient, ouais, carrément. Ouais, ouais. Mais j'étais vraiment comme un fou. J'avais envie de crier dans la rue, achetez ça, parce que c'est tellement incroyable, vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Et donc ce jeu, Fisherman's Tale, c'est une idée brillantissime. Donc avec une mise en abîme, tu te retrouves dans un décor qui est contenu lui-même dans le même décor plus grand. Oh oui, d'accord. C'est-à-dire que quand tu regardes à travers la fenêtre, tu t'aperçois que t'en fait t'es dans une maquette qui est dans une pièce, et la pièce dans laquelle tu es, tu comprends qu'en fait elle est à l'intérieur de la maquette. Bref, ce genre de mise en abîme qui rend ouf. Et le jeu utilise extrêmement bien ces mécaniques là. Et du coup, j'ai repris ton narratif VR parce que c'était tellement extraordinaire, quoi. Ouais. Et il y a effectivement, comme tu le dis, beaucoup de jeux indés qui sont parfois gratuits. Ouais, souvent et même. Il y a un catalogue, donc ça se télécharge, qui s'appelle SideQuest. Alors, je sais pas si ça marche que avec l'Oculus Quest, mais de toute façon, c'est celui-là, ce casque-là que la plupart des gens ont aujourd'hui, en tout cas le grand public. Où c'est un catalogue alternatif au store officiel, qui est pas compliqué à utiliser. Ouais. Il va y avoir beaucoup de jeux indés et beaucoup de jeux gratuits, ouais, effectivement. Ouais. Fisherman's Tales. Et un truc gratuit sur SideQuest, là, il y a par exemple les toilettes de Rick dans Rick et Morty. Si vous voyez cet épisode où Rick va sur une autre planète pour chier, l'expérience existe en VR, c'est gratuit. D'accord. Et tu peux vraiment, par exemple, aller aux toilettes pour de vrai, mettre ton casque et chier sur la planète de Rick. Génial. C'est ça le futur, les gars. C'est ça. L'environnement est reconstitué et c'est un vrai moment de plaisir dont je vous le conseille à tous. Je vois que ça t'intéresse. Non, mais ça m'intéresse. Autant j'ai été déçu par le porno en VR, mais chier en VR. Non, mais tu me l'as mieux vendu que le jeu où il faut attendre qu'une cascade. Ou là vraiment, mais ça a l'air bien. Ça révolutionne vraiment tes passages au chien. C'est ça. Morgan, tu vas nous dire, parce qu'en plus il va falloir bientôt te libérer. Est-ce que tu peux nous dire un conseil culturel récent? Cet été, j'ai découvert une autrice qui s'appelle Maria Pourchet. D'accord. Et c'est super. Elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Champion et un autre livre qui s'appelle Les Impatients. Et ça parle assez bien du monde d'aujourd'hui, du monde du travail, des femmes. C'est de l'écriture assez... c'est comme pour la vraie vie d'Aline Dieudonné. Pour ceux qui l'ont lu, c'est vraiment de l'écriture de marathonienne. Il n'y a pas de gras, c'est sec. C'est un coup de fouet à chaque phrase. C'est vraiment chambé. Et sinon... Comment s'appelle le livre, pardon? Les Impatients. D'accord. Et l'autrice s'appelle Maria Pourchet. Super. Et sinon, la nouvelle BD de Catherine Meurice, qui s'appelle La jeune fille et la mère. C'est sur elle qui va chercher l'inspiration au Japon, et les planches sont vraiment sublimes. D'accord. En termes d'image. Voilà. Super, trop bien. Patrick? Moi j'aimerais bien parler du livre de Thomas VDB. Bien sûr. Qui doit, je crois, venir bientôt. Très bientôt, pas la prochaine, mais celle d'après, normalement. Thomas VDB viendra dans le Floodcast. Il était déjà venu. Il en avait mis des petites au macaron et à Trump. Il a pas été orange, tout simplement. Thomas a dit que Trump était orange et depuis, il n'a pas été réélu, Trump. Voilà, je vous dis ça comme ça. Le pouvoir de Thomas VDB. C'est ça. Un influenceur, tout simplement. Tout simplement. Le livre s'appelle Comédien Rhapsody, je crois. Comédien Rhapsody, donc évidemment, jeu de mots avec Bohemian Rhapsody. Bien sûr. DCDC. Je précise, on découvre dans le livre, mais Queen a vraiment marqué la vie de Thomas VDB. Ouais. Et ce que je trouve super, c'est qu'il est aussi drôle à l'écrit qu'à l'oral. Mmh. Alors que parfois, il y a certains humoristes, ça fonctionne très très bien à l'oral, mais quand on lit leur texte, on se dit, en fait, c'est vraiment son interprétation qui fait que c'est drôle. Bien sûr. Et dans le cas Michel Leeb, t'as besoin de l'accent. Voilà. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Mais donc Thomas VDB, il a un humour à l'écrit qui n'est pas exactement le même que son humour à l'oral. Il est aussi drôle dans les deux domaines, et il y avait vraiment des passages où je riais à haute voix en lisant un bouquin. Quand tu lis, t'as sa voix dans la tête, rare. Ou pas? Mais pas vraiment, justement, parce que c'est pas... Il y a pas écrit « Ouais, mon gars » à la fin. Évidemment, il y a des trucs qui ressemblent, mais c'est pas le même rythme. Disons qu'il a vraiment un autre style d'humour, de manière de délivrer le truc, qui fonctionne aussi bien pour moi que quand il le fait sur scène. Donc déjà, il y a ça, c'est très drôle. Et on découvre des tas de choses étonnantes sur sa vie, et par exemple, donc vraiment moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est de découvrir que la vie de Thomas VDB a été bouleversée complètement par Korn. Donc c'est fou. Et si Korn n'avait pas existé, Thomas VDB ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, clairement. Ah oui. Donc voilà, je raconte juste une anecdote. Mais il y en a mille, mais ça va donner envie aux gens, c'est une petite carotte, une petite graine. Thomas VDB a créé... Ça, rien que de le dire, c'est quand même assez surréaliste. Il a créé le fan club de Korn en France. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Dans les années 90. Et donc, il a tellement bien fait son boulot que le label de Korn à l'époque l'a un peu pris sous son aile, quoi. Il lui a envoyé des tas de disques, etc. Et ils avaient même organisé des rencontres entre Thomas, le jeune Thomas, et Korn. Donc, il raconte une anecdote où il est allé bouffer à Quick avec Korn. Et c'est fou. Donc c'était deux des membres du groupe. Ouais. Et donc il explique que il comprend rien à ce qu'ils disent, tu vois, pendant tout le repas ils parlent entre eux les deux, et lui il se sent un peu exclu quand même de la conversation, et il se dit ok, je vais faire un truc qui marche très très bien généralement avec mes amis, je vais faire mon imitation de l'éternuement. Et quand on lit, on se dit mais qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête, vraiment on visualise la scène, et donc il fait son éternuement qui d'habitude manifestement a été très efficace, et là les deux mecs se retournent en disant are you okay, et ils ne comprennent pas que c'est une blague, et ce là, qui est normal hein. C'est vraiment ce c'est moment. Du niveau du morceau de métal dans la gueule, oui. Ouais, imiter un éternuement, les gens se disent bah il éternue. Ouais, c'est ça. Oui, si tu l'as bien fait, ça répond à tes souhaits. Il y a ce moment de malaise vraiment où il se dit pourquoi j'ai fait ça, et où les deux gars de corne ne comprennent pas. Et là, effectivement, quand il raconte cette anecdote, j'avais un peu, j'avoue, le flow de Thomas VDB dans la tête. Je l'imaginais en train de faire son éternuement. Et donc des anecdotes comme ça aussi improbables, il y en a pendant le bouquin. Ouais. Et si on a grandi dans les années 80-90 et qu'on était férus de rock et de métal, vraiment le bouquin est indispensable. Mais c'est marrant parce que moi je ne l'ai pas terminé encore, mais j'ai commencé à le lire, et on parlait du livre de Seth Rogen. J'étais en train de me dire. Où il parlait de Yearbook, où pareil c'est des anecdotes machin. On n'est pas loin. Si vous avez kiffé Yearbook, c'est juste c'est Thomas VDB, pas Seth Rogen, donc c'est pas la même vie. J'étais en train de dire ça, en train de me dire, j'espère qu'il va faire un livre audio. On le motivera. Quand on le verra, on lui dira fais-le. Donc quand j'ai lu cette anecdote sur Korn, j'ai trouvé ça tellement incroyable que donc je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui disant je suis complètement sidéré par cette histoire, j'aurais jamais imaginé que tu puisses avoir un lien même avec Korn. Et donc il m'a dit il y a eu des tas d'autres anecdotes avec le groupe, mais j'ai mis celle qui me semblait être la plus intéressante. Donc quand il viendra, on essaie de lui demander d'autres. Pitié, demandez-lui qu'il raconte des anecdotes sur Korn. Le R à l'envers, c'est son idée, je crois. On peut le dire de Korn. Non, mais on lui demandera carrément. Bien Adrien, sûr. Adrien, une recommandation culturelle. Ouais, moi c'est un rappeur. Que j'ai de quoi n'importe non. quoi n'importe quoi non, je comprends. Non, un rappeur qui s'appelle Benjamin Epps, Benjamin Epps, et que j'ai beaucoup écouté dernièrement, et il a juste un EP qui est sorti pour l'instant, il y a pas d'album, et c'est un, il est très inspiré par le rap un peu à l'ancienne, enfin surtout genre Biggie, etc. Et Big Flo, pardon. Big Flo et Oli, j'ai contracté les deux. Oui, pardon. Big Flo et Oli. Non, donc Notorious B.I.G. tout ça. Bien sûr. Et du coup, ça se ressent vachement dans ce qu'il fait, parce que c'est plutôt ce genre de rap là. Donc, mais en même temps, quand même assez moderne. On n'est pas du tout dans une parodie ou dans un truc où on essaye de reproduire un truc. On sent que c'est juste le rap qui kiffe lui, et du coup il fait ça, et non, et c'est hyper bien. Je trouve qu'il a une voix qui est incroyable, qui se distingue vraiment de tout ce qu'on entend. Il a une façon d'écrire qui est trop bien et tout. Donc voilà, Benjamin Epps, qui est en plus en tournée je crois en ce moment dans toute la France. Il passe à Paris en novembre je crois, et sinon il est en tournée, et voilà, et il est sur Spotify et tout, donc allez écouter ça. Ouais, aller streamer ça fort. Ah ouais, faut, non, franchement, streamer ça à fond. Hein, ouais. C'est lourd. C'est un frérot. C'est un frérot ou pas du non. tout Pas du tout. Oui, Benjamin Epps qui joue à La Place. Voilà, que vous le sachiez. C'est une petite salle de concert à Paname. Eh bien, quant à moi, je vais vous conseiller une chaîne YouTube. Alors, quelqu'un qui n'a pas besoin de promo, hein, qui fait déjà des centaines de milliers de vues, mais qui s'appelle, tu en as parlé tout à l'heure, de Bolchegeek. Oui. Qui a une chaîne YouTube où il fait des analyses, même c'est vraiment des petits documentaires, c'est quand même des vidéos de 40 à 50 minutes. Hein, il y a un travail de fou. Il en a fait une super sur Jurassic World, où il explique ce qui marchait dans Jurassic Park et qui ne marche pas dans Jurassic World, et qui est symptomatique de l'évolution du capitalisme et des choses comme ça. Ah, parce que là, je disais, il y a aucun rapport avec son pseudo. Mais non, mais ça c'est super important, parce que il y a toujours des rapports. Ouais, ouais. Mais ça s'appelle Bolchegeek, mais en même temps, enfin, même si vous y connaissez que dalle en politique et en histoire de la gauche et tout, c'est fascinant, parce que le montage, il y a un vrai travail de fait sur le montage, sur l'écriture, sur tout. Je sais qu'ils sont deux, je crois, à écrire. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûr. Exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment une chaîne YouTube. Vraiment génial. Et là, il a sorti une vidéo qui s'appelle Peut-on sauver le jeu vidéo, qui est vachement bien. Sa dernière vidéo qui dure 40 minutes. Il a fait une vidéo sur Les Fils de l'Homme, le film de Cuaron, en disant qu'en fait c'est un film qui a plus ou moins prédit tout ce qui est en train de se passer quand il est sorti il y a quelques années. Squid Game. Non mais voilà, donc il y a plein de vidéos. Il y en a une sur John Wick. C'est vraiment très moderne et super intéressant. Il y a même parfois une ou deux vannes, mais c'est jamais vraiment le but, et non plus parce que ça, des fois, ça me saoule un peu, les gens qui veulent mettre de l'humour dans tout ce qu'ils font. Là, c'est pas ça, c'est d'abord intéressant et en plus c'est un peu marrant, donc ça c'est vachement bien. Et donc voilà, Bolche Geek, une chaîne YouTube que je vous conseille. Très bien, une très bonne chaîne YouTube. Voilà. Chers amis, 16h03, pas mal. Je vais vous lâcher. Un dernier petit tour de table pour savoir où est-ce qu'on vous retrouve. Donc Julien, tu vas commenter le champion du monde de Tetris. Grande fierté. Autour de la table, vous ne le savez peut-être pas, mais Julien est un champion de Tetris quand même. Pas du tout. Non, mais c'est très fort. Pas officiellement. Mec, tu fais des scores de malade. C'est fou quand même. Je fais des scores très très hauts. Voilà. Non, mais c'est vrai. Il a effacé quelques lignes. 4 d'affilée des fois. D'un coup, quoi. D'un coup, ouais. Ouais. Il a eu la fusée à la fin. Oui, c'est vous dire. Ouais, non, tu commentes le championnat du monde de Tetris. Ouais, bah non, c'est super opportunité comme ça. En fait, à la base, je me renseignais juste pour savoir parce que l'année dernière, il y avait eu des commentateurs français pour la finale du championnat du monde de Tetris, et je me renseignais pour savoir s'il y avait ça de prévu cette année, parce que c'est une sorte de collectif de fans de Tetris qui gère ça, et c'était pas vraiment prévu. J'ai dit, bah, si vous voulez, quelqu'un... choper l'opportunité. Et finalement, ça s'est fait, et donc on est en train de préparer ça. Et donc, en fait, ce championnat du monde, donc ça existe depuis 2010. Ouais. C'est sur la version NES, donc la version de la première, entre guillemets, Nintendo de Tetris. Et voilà, et en fait il y a plein de joueurs du monde entier qui font des parties pendant un temps, et puis ensuite on prend les 64 meilleurs. Il y a toute une phase de poule qui est en train de se terminer là. D'accord, okay. Et on prend les 8, donc il y avait 8 poules. Sacré basse-cour. Voilà. C'est la ferme ou quoi? J'ai l'impression. Et donc le Final 8, hein, le championnat entre ces 8 meilleurs, aura lieu le 14 novembre. D'accord. Et sur Twitch? Oui, tout à fait. Donc c'est diffusé donc sur la chaîne Classic Tetris, donc, qui organise ça. Mais on a la chance d'être sur une chaîne associée, donc ce sera Classic Tetris 3. Oh, voilà, sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Classic Tetris 3. Ouais. On va commenter en français, donc avec l'équipe de Carré Tetris, ce Final 8 du championnat. Qui va sûrement s'éterniser dans la nuit, donc ça va être surtout avec le décalage horaire, vu que c'est sûr, évidemment, le fuseau horaire états-unien. Bien sûr. Et toujours les States, les Ricains. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, sur la chaîne Classic Tetris 3 avec l'équipe de Carré Tetris, fans de Tetris, qui font plein d'événements autour de Tetris. Tetris, voilà. J'appelle Tetris. Patrick, La Veillée en livre est sortie il y a peu de temps. Tetris. Oui, alors le livre de La Veillée est sorti en septembre. Bien sûr. Et là, donc, j'ai deux livres qui sortent le 10 novembre. France secrète. Oh là là. Parle des curiosités méconnues de France. La Tour Eiffel. Et voilà, notamment. Le tome 5 de la BD Axolot. Oh là là. Magnifique. Voilà, t'imagines, tome 5, bordel. Ouais, tome 5. Quand t'as fait le premier, est-ce que t'imaginais qu'il y en aurait 5? Franchement, je crois pas. Et dans le premier, il y avait Adrien, d'ailleurs. Oh là là, c'est sublime. Qui avait fait une très très bonne BD. Il m'a plus jamais invité. En fait, si. Et en plus, il lui a pas envoyé. Bah oui, on avait même parlé de faire un spin-off. C'est un peu mieux en masqué aussi. C'est ça, c'est l'erreur. Voilà. Non, mais reparlons-en d'ailleurs. Reparlons-en totalement. Putain, et donc, on a relancé deux de vos projets dans cette émission. Je vous le dis quand même, c'est pas n'importe quoi. Et là, l'actu immédiate, je crois d'ailleurs que tu as eu la gentillesse de l'évoquer. Bah, bien sûr, c'est cette exposition, bien sûr. Donc, c'est une expo. Donc, ça, c'était pas prévu. En fait, moi, mon premier métier, c'est graphiste. Et donc, ça faisait des années que j'en faisais plus parce qu'il y avait d'autres activités. Et ça me manquait un petit peu. Et l'année dernière, pendant le deuxième confinement, j'avais du temps et je me suis remis au graphisme. Et donc j'ai ouvert une page Instagram. Au début, j'avais pas dit que c'était moi, c'était un pseudo. Et il se trouve que Banksy. Et il se trouve qu'il y a une galeriste parisienne, donc Amélie de la Timecorp Gallery, qui a repéré mes visuels. Ça lui a plu et elle m'a proposé donc d'en faire une expo. Sublime. Donc je me suis ravi parce que c'était pas du tout prévu et c'est donc alors j'ai plus la date, ça commence en tout cas là. Ça commence le 28 octobre, le 28 octobre. Ça va sans doute durer un petit mois. Ça a commencé le 28 octobre ça, du coup. Ça, ça a commencé absolument. L'expo s'appelle Terrianthrope parce que donc c'est des créatures hybrides avec des têtes d'animaux et donc moi je suis pas dessinateur ou peintre, hein, je suis graphiste, donc je prends des petits bouts à droite et à gauche d'images du domaine public dans les archives de bibliothèques et de musées, et je crée des chimères, on va dire, qui ressemblent un peu à une sorte de tarot étrange, voilà, donc je m'amuse bien en tout cas, et je suis vraiment très très heureux que ces créations aient eu ce destin-là, parce que c'était pas du tout le plan, donc voilà. Je suis comment t'écris Terrianthrope pour que les gens qui recherchent sur Google... Alors c'est TH, hein, T-H-E-R-I-A-N, T-H-R-O-P-E-S, en fait, Terrianthrope, c'est un peu comme lycanthrope, vous voyez, les loups-garous. Bien sûr, les loups-garous. Sauf que Terrianthrope, c'est pour tous les animaux, okay, finalement. Ah mi-humain, mi-animaux. Mi-animaux. Et non, voilà. J'aime apprendre des nouveaux mots. Écoute, ça ne dit pas jusqu'à quand c'est. En tout cas, je peux vous dire que c'est rue Saint-Martin, Paris 3, que c'est gratuit oui. Et que c'est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h en continu. Voilà. C'est déjà puis, pas mal d'infos. Donc, il y a des impressions signées oh là là, disponibles ouais, à la galerie. Magnifique. Voilà. Bah, c'est un cabinet de curiosité pour moi, ce que tu racontes. C'est absolument. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Morgane ton spectacle au Métropole. Mais on le répète les théâtres ont souffert, Morgane. Du jeudi au samedi à 20h10 au théâtre Le Métropole, à partir de janvier dans toute la France. Et Métro Bonne Nouvelle. Tout ce qui touche à la merde. Bien sûr, je serai accompagné, j'aurai la chance de l'Orchestre Philharmonique de Radio France à la Gaîté Lyrique le 25 janvier. Voilà. Super. Et tournée. Tourner partout en France. T'as partagé ça sur ton Instagram? Ouais, tout est sur les réseaux sociaux. Morgane Cadignan sur Instagram et vous aurez toutes les dates. Et tous les matins. Tous les matins dans la bande originale sur France Inter. Évidemment. Adrien? Et ben moi, donc la série Hors de lui, dans laquelle on peut m'apercevoir, qui sort le 12 novembre, si je dis pas de la merde. De la merde qui sort du cul, d'ailleurs. Oh là là, tout ce qui touche à la merde. N'en dis pas trop, déflorer l'histoire. Et ouais, le 12 novembre. Et 12 puis, novembre, sur France TV. Ouais, voilà, sur France.tv. France.tv, pardon. La plateforme en ligne gratuite. On peut déjà, c'est lire, cool de le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes. Et de... des gens parfois ne le savent pas. Oui. Ouais. France TV slash, où la saison 2 de Derby Girl sortira un jour. Bien sûr. C'est gratuit aussi. Et France.tv, pareil. Et puis voilà, non, sinon, bon, il y a d'autres trucs qui arrivent, mais dans longtemps. On en reparlera. Comment... Maintenant qu'on fait et une hebdo. Oui, voilà, ouais. Et puis bah, Twitch. De temps en temps, twitch.tv/AdrienMeniel. Voilà, bon, c'est vraiment quand j'en ai le temps et l'envie, donc c'est pas du tout régulier. Mais, c'est ce qu'on disait voilà. Tout à l'heure avec Julien, c'est que quand t'as envie. Quoi. Voilà, c'est ça, et puis il faut être là sur le moment. Quoi. Bah, exactement. Voilà. Et bien, quant à moi, Oli et l'Alien, toujours disponible en librairie et en Fnac, Amazon, tout ce que vous voulez, et le spectacle de Baptiste Le Caplain qui est en tournée dans toute la France. Vu qu'on enregistre là le 28 octobre, donc il sera le 3 novembre à Béziers, le 4 novembre à Bourg-les-Valence, 5 novembre à Grenoble, 6 novembre à Annecy, 9 novembre à Besançon. Il y a toutes les dates sur son site, sur son Instagram, partout. J'aurai l'occasion d'en reparler aux prochaines émissions. Et il est à Paris également du 21 au 31 décembre au Café de la Danse. Donc si vous êtes à Paris pendant cette période, n'hésitez pas à aller le voir au Café de la Danse pour voir le spectacle, voir les gens que j'ai eu la chance de coécrire avec lui. Merci tout le monde, passez une merci bonne journée, bonne soirée. Merci. Au revoir, ciao. Au revoir. Oh, hey, oh. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.